Et depuis même là, on commence à demander pardon, mais je n'ai rien personne dans mon cœur. Voilà mon jogging de Bernard. Oui, bon, si tu continues donc. À toi, Kitini. Ce n'est plus mon problème. Car on va la faire. Elle demande pardon à Dieu. Elle est en colère, elle s'est fâchée contre son foyer. Et quand elle est dans son foyer, quand elle est à la maison, elle est contre son mari. Et où est son mari? Il est au travers. Son mari n'est pas là. Mmh. Parce que mon mari m'a ramené depuis chez mes parents et il m'a déposé là. Mmh. Et même hier dans la soirée, on causait au téléphone avec mon mari, j'ai lui encore parlé de mauvaises paroles. Comme il n'est pas là présentement, je demande pardon devant Dieu. Il faudra qu'elle parte, quand elle rencontre son mari, elle se prosterne et elle demande pardon à son mari pour que ça soit arrêté. Pour que ça s'arrête. Elle dit elle m'a dit que je suis allé dans le lac, c'est carré, il faut que je le carré. Il faut que je le carré. Je voulais vous parler par moi. Il dit quand vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que Attends, je comprends pas. Le frère, vous dites quoi, mon frère? Il y a un frère là. Il est où? Il est ici. Non, prends-le. Prends. Il est où? Il est ici. Prenez-le. Va prendre ton frère, tu lui parles à côté, d'accord? Tu demandes pardon, vous vous embrassez. Quand vous avez fait quelque chose au milieu de l'assemblée, que ça a touché l'assemblée. Quand vous avez fait quelque chose qui touche l'assemblée, confessez devant l'assemblée. Vous avez quelque chose contre votre frère, touchez votre frère. Oui, c'est le frère là qui vient de l'embrasser là. Il avait des problèmes. Parce que si un mois, nous l'avons empêché de finir l'assemblée. Oui. Parce que sa femme était malade. Oui. Elle a fait l'accident, il l'a fait partir. Il l'a abandonné, oui. Il a pris une autre. Mm-hmm. Oui. Il faut prier pour lui, d'accord. Oui. Maintenant qu'on le parle, l'esprit de supplication, il faut prier pour lui. Mm-hmm. D'accord. Oui, oui. Elle est dérangée beaucoup plus à cause de son mari. Et à toutes les fois qu'elle rencontre ces difficultés, elle ne parle pas. Et son mari allait tout dérement à Yaoundé sans toutefois lui dire. Et pendant les périodes de fête, il y avait quelque chose qui s'est passé entre nous et jusqu'à présent, je ne lui ai pas pardonné. La parole de Dieu par son amour. Bien qu'il est loin actuellement, mais il lui pardonne pour le moment. Dieu me pardonne aussi. Et Dieu aussi lui pardonne. Et tout ce que je lui ai fait comme mal, je ne reconnais pas le mal qu'elle lui a fait, mais elle demande pardon. Dieu seul pardonne. Souvenez-vous de pardonner toujours. Il croit c'est beaucoup là, franchement, l'Esprit de Dieu, que le nom du Seigneur soit glorifié. Elle veut demander pardon devant l'Assemblée. Pour toutes les fois que les problèmes qui se sont passés depuis. Et si c'était un péché par rapport à tout ce qui s'est passé dans les événements de troubles que Dieu la pardonne. Et qu'a dit, elle était en colère contre le pasteur, mais il demande pardon devant le pasteur. Amen. Il lui pardonne. Amen. Voilà Jésus. Gloire au Seigneur. Il demande aussi pardon devant Dieu. Wow. Je demande pardon à ma tante. Elle est ma tante, mais je la prends comme ma maman. Elle est ici. Il y avait quelque chose qui s'est passé entre nous. Et ce pardon-là n'était pas. Je demande d'abord premièrement pardon à Dieu. Dieu me pardonne. Pour ce qui s'est passé entre nous. Ils se sont salués tout à l'heure, mais ça, je ne sais pas, il fallait que lui il parle comme ça. Amen. Mmh. Oui, je crois que le frère l'avait aussi parlé. Moi aussi, également, j'ai aussi demandé pardon devant l'église. Et à tous les peuples de Dieu. Aïe, Matora, la Jomira. C'est tout ce qui s'est passé, moi qui ai des scandales. Et que sacre war dire sacre le parle dans quand qu'on l'a tiqué le hore ala ma. Pour que le peuple de Dieu me pardonne ce matin. Pour que ma kadi umator Allah ya fam fajra rende. Amen. Seigneur de gloire, je me répands au devant de toi ce matin, Seigneur. Moi qui étais le scandale éternel de ton peuple, moi qui a troublé le cœur de ton peuple, Seigneur. Beaucoup se sont chamoyés éternel entre moi, Seigneur. Seigneur, moi qui es le pierre éternel, mon Dieu, d'échappement pour ton Église. Ce matin, que tu me pardonnes dans le sang de Jésus. Que tu restaures encore mon âme ce matin, Seigneur Jésus. Oh, de gloire que je pardonne tout le peuple éternel dans mon cœur, Seigneur. Oh, gloire. Aide-moi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que je ne répète plus cela, Seigneur. Que je ne sois plus les scandales de ton Église. Que je ne sois plus éternel, mon Dieu, quelqu'un qui trouble ton peuple, Seigneur, sur le chemin. Oh, Jésus, moi qui parlais de ta patte, Seigneur, que devient aujourd'hui les scandales, Seigneur Jésus. Si tu ne pardonnes pas, Seigneur, donc tu ne perds. Où irait mon âme, Seigneur, mon Dieu, mon roi? Où descendrait mon âme, Seigneur, ce jour? Pardonne-moi, mon Dieu, mon roi. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Oh, roi, de tout mon cœur, je me répands, Seigneur. Restaure encore mon âme de nouveau, Seigneur. Je confesse éternel ton grand nom, Seigneur. Aide-moi, mon Dieu, mon roi. Aide-moi, Seigneur Jésus. Je vais suivre devant de toi. Fais de moi comme tu veux, Seigneur. Moi seul éternel, je veux que tu me pardonnes, Seigneur. Je t'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Ah, il dit c'est grave ici aujourd'hui. Vous voyez, on ne peut pas faire autrement. Il faut qu'on laisse le Saint-Esprit faire ce qu'il a demandé. Demande aussi pardon devant. Amen. Jean. Il ne faisait pas la réunion avec nous. Il était à la fin de l'évangile. Comme il a entendu qu'il y a réunion ici, il est venu, et voici le moment venu, il veut demander pardon à son grand frère. Et il veut aussi que son grand frère lui pardonne, parce que lui, il reconnaît qu'il était un garçon têtu. Il ne faisait pas seulement le mal contre son grand frère, mais aussi contre ses parents. Comme mes parents ne sont pas là, et je demande pardon sur moi, et puis je demande pardon aussi devant Dieu. Amen. Je demande à mon grand frère de me pardonner. Viens. Ah, c'est grave. Il dit c'est le Seigneur, que son nom soit glorifié. Amen. Ne gardez pas sur votre cœur, ne gardez pas n'importe quoi. Ça va être un obstacle. Il y a quelque chose qui se passe au milieu de nous. Ne gardez pas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le frère en rouge qui a parlé là, il est parmi les anciens, je crois. C'est un pasteur. C'est un pasteur. Viens, mon frère, viens. Le frère, celui qui est en rouge là. Viens. Dieu te restaure. Dieu te restaure. Si, la chaise est mise comme ça pour toi. Assieds-toi, mon frère, assieds-toi. Prends ta place parmi les anciens, d'accord? C'est terminé. C'est terminé. Oui, nous l'église, le collège d'enseignement, pendant un an. Oui. À cause de cet acte, on a beaucoup parlé. Le Seigneur a fait grâce que le frère soit là. On ne t'attend pas derrière là, mon frère. Hein? Oui. Dans le collège des anciens, nous avons quand même, à cause de cet acte-là, comme le frère vient de se repentir, nous a amené beaucoup de troubles. Mais par la grâce du Seigneur, hier, le frère est venu. Nous ne demandons pardon. Vous lui pardonnez, n'est-ce pas, frère? Embrassez donc votre frère. Embrassez-le. Embrassez-le. C'est terminé. Que la paix revienne dans votre sein. Que l'Esprit de Dieu vous conduise désormais. et que vous soyez un comme le Seigneur a demandé que vous soyez un. Elle veut aussi parler. Celle qui est derrière là. Par rapport. Elle parle pas. Elle parle par rapport à son foyer. Elle dit qu'à chaque fois, elle est secouée par le problème de maladie. Et l'enfant qu'elle tient en main comme ça, depuis hier, l'enfant a passé la journée là, elle faisait la diarrhée. Elle est dans sa maison, c'est les problèmes de santé. Et s'il faut dire que nous sommes ici, c'est-à-dire qu'elle est là avec son beau-frère et la femme de son beau-frère. Et s'il y a quelque chose aussi, elle demande aussi à notre présence qu'il faut aussi leur secours, c'est-à-dire que le secours de son beau et de sa femme. Oui, c'est-à-dire qu'auparavant ça se passait, son beau-frère l'assistait, mais pour le moment il n'y a plus cette assistance. Elle ne sait pas s'il y a quelque chose qui s'est passé ou non. S'il y avait quelque chose, elle demande pardon. Donc si elle a fait quelque chose à son beau-frère pour que cette assistance-là cesse. Oui. Elle ne savait même pas qui devait avoir programme ici parce qu'elle a fait presque un mois à la maison dans les situations de maladie. Oui. Et voici que subitement la chose est là. Et ma belle-sœur maintenant est allée mettre son téléphone en charge là-bas chez nous et dans mon foyer. Elle me dit maintenant que tes gens sont allés à la prière, mais toi tu es resté à la maison. J'ai répondu à ma belle-sœur que non, mon beau-frère était ici hier, il fallait qu'il me dise parce qu'il était venu rendre visite à l'enfant qui était malade, mais pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas dit ça? Et raison pour laquelle elle demande donc, s'il ne lui a pas dit ça, peut-être parce qu'il avait aussi, il était aussi pris par les occupations, bien il y a un problème, elle demande pardon, s'il y a un problème. Non, mais son beau-frère, il se trouve ici au milieu de nous. Il est là. On s'en dit que c'est à lui de répondre si lui ou non qu'il y a un problème. Oui. Comme ça, il résout ça. Donc, Oui, elle était tellement dérangée. S'il n'y a pas un problème, c'est que. Parce que notre réunion d'aujourd'hui, ça parle beaucoup de l'esprit, raison pour laquelle elle est contente pour parler de ça. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Allah Bakina. Les femmes, la maman qui est debout là, celles qui sont debout, elles n'ont pas de place assise ou comment? Oh, les enfants dérangent. C'est les choses que je vais parler. Waouh. Et ce qui m'a amené dans cet arrondissement, c'est parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé au lieu de service de mon mari. Et auparavant, mon mari était un chrétien, un enfant de Dieu, mais par la suite, maintenant, il a abandonné la foi. Donc, ça ne marchait plus entre nous. Entre moi et mon mari, donc c'était devenu que mon mari prenait d'autres femmes. Donc la relation qui était entre moi et mon mari, ça ne marchait plus. Et de plus même, j'ai constaté que mon mari veut encore me mettre dans des situations que je ne pouvais pas comprendre. Raison pour laquelle aussi j'ai interpellé mes siens, ceux qui sont dans la foi, je dois venir aussi vers eux. Et la raison pour laquelle j'ai quitté le département de Marocani, c'est que Kaélé pour venir ici rester chez mes enfants. Donc elle a quitté son foyer à cause de tous ces problèmes pour venir pas ici. Oui. Elle a laissé son mari. Je crois que c'est un cas qu'il faut qu'on observe clairement là-bas. Et on résout le problème. avec les anciens. Mais les anciens, vous ne saviez pas cela. Vous ne saviez pas. Donc il faut que ces problèmes soient résolus. Et nous portons mal à mon voisin. Je vais aussi demander la prière par rapport à mon pied parce que ça fait déjà 2 ans que j'ai ce mal. Dis-le que l'Esprit de Dieu est présent. Il est au courant de chaque problème ici. Qu'elle s'attend seulement à lui. Et toute personne qui a d'autres problèmes ici. Attendez-vous à lui. Elle va aussi parler. Elle demande aussi pardon. Et il arrive parfois, moi, je me mets en colère contre Dieu lui-même. Wow. Parce que mon enfant est malade. Je prie Dieu à tout moment, mais je ne comprends rien. Jusqu'à présent. Et à un temps, je dis, je me fâche seulement contre Dieu. Et s'il arrivait que la faiblesse me prenne, je ne fais absolument rien, si seulement comme ça. Je demande purement pardon à Dieu. Amen. Pour ce que j'ai été en colère contre lui. Amen. Que Dieu me pardonne. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse, que Dieu bénisse. Encore là-bas. Wow. Oui. Je me lève aussi devant Dieu. Depuis que mon enfant a été décédé, et mes voisins ont dit que c'est moi qui a mangé l'enfant, peut-être de la sorcellerie. Donc c'est que c'est elle qui a tué son propre enfant. Oui, que les voisins ont dit que non, ce sont eux que la femme s'y a dit que la mort de son enfant est entre leurs mains. Et je n'avais pas aussi dit cela. Et je n'avais pas aussi pleuré avec le nom de quelqu'un. Et la femme qui aurait dit maintenant que c'était moi, la maman de l'enfant, qui a dit que ce sont eux qui ont mangé l'enfant, elle allait maintenant se plaindre. Et depuis ce jour, comme on est des voisins, je ne pars plus chez elle, elle aussi ne vient plus chez nous. C'était comme ça. Si elles étaient là, je devais demander pardon. Et comme elles sont pas aussi dans la foi, elles ne savent pas ce qu'elles doivent faire maintenant. Il faut qu'elle se dirige vers là, avec quoi que les anciens doivent l'accompagner. Vous accompagnez, vous posez le problème. Donc il faut qu'un ancien ou bien un pasteur l'accompagne pour aller poser la situation. Elle confesse là, elle demande pardon devant cette personne. Et pour elle quand même, elle les a pas tenus à cœur, mais ce sont eux maintenant, ce sont elles maintenant qui l'ont tenu à cœur. Que Dieu vous bénisse. Allah barkino. Il dit que c'est grave à toi. Et pour moi quand même, c'est un problème qui est tellement long. Quel parrain? Maman. Et du quoi? Oui. Et c'est un problème qui date de depuis. Depuis que mon mari a abandonné la foi, il est rentré dans le monde. Il a laissé la foi en 87. Oui. Ça fait presque 31 ans. Depuis aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, c'est moi seul qui est resté avec Dieu. Depuis que je suis resté, les situations que je traverse, ça a beaucoup pesé sur ma vie. Et c'est Dieu qui me console de temps en temps. À la fin maintenant, mon mari me dit un jour que si toi aussi tu n'abandonnes pas la foi, je n'ai pas besoin de toi, je n'ai pas ton temps. Ça fait déjà 16 ans qu'on se sépare avec mon mari. Mmh. Et pour le moment, le terrain là où j'habite, il me dit que je dois, il doit vendre le terrain même avec elle-même en entier. Et j'ai lui aussi répondu, si tu peux aussi vendre Dieu. S'il peut vendre Dieu, c'est possible qu'il puisse aussi vendre le terrain avec elle. Et pour le moment, elle attend seulement comme ça. Et les problèmes et situations scolaires aussi des enfants, c'est sur elle. Et le milieu pour manger, la ration à la maison, mon mari ne me donne pas. C'est moi seul qui pars souvent en brousse pour aller chercher quoi manger. En tout cas, son mari est où? Et elle demande maintenant à Dieu, Dieu, tu m'as oublié. Elle passe le temps dans les jeûnes. Et elle ressemble qu'au niveau de ses genoux, il y a même déjà, il y a beaucoup de cicatrices. Jusqu'à présent, oui, elle s'est prosternée. Jusqu'à présent, il n'y a pas de changement. Elle est en train d'attendre seulement la main de Dieu. Dis-lui que le Seigneur visite leur territoire. Elle entend. Le Seigneur visite votre territoire. C'est pour cela que nous sommes là, d'accord? Allah wari lara le timodonga majum donaro. Et je disais même déjà que les bien-aimés qui sont là, si je n'étais pas tout le temps en brousse, j'avais sollicité qu'on devait passer beaucoup de temps même chez moi avec les bien-aimés. Et comme les occupations pour aller chercher de quoi manger aussi, ça m'a beaucoup pris. Ça m'a aussi donné beaucoup de faiblesse. Et je demande pour le moment que le Seigneur, que les bien-aimés m'aident dans la prière. Que le Seigneur te bénisse. Que la paix soit avec toi, ma soeur. Je vois que encore là-bas de l'autre côté aussi. Wow. Elle bénit le Seigneur. Elle remercie Dieu. Elle nous remercie aussi. Elle parle aussi par rapport à son foyer. Je crois que finalement, il veut travailler avec les femmes ici. Il faut qu'on trouve un moment pour parler avec les femmes parce que je sens qu'il y a des problèmes ici. Vous le voulez? Comme ça, on est de réunion entre vous. Mais tu dois être là pour pouvoir lui parler, d'accord? Pour qu'on puisse travailler votre cas particulièrement, oui, on travaille, d'accord? Et s'il y a des besoins de prière, on prie. On voit quelle est la direction du Seigneur, d'accord? Donc, parmi les jours, si je suis là, on va trouver un temps particulièrement pour vous. Si les anciens le permettent comme ça. Comme ça on résout, il y a des problèmes profonds ici. Oui, quelqu'un parle. Et par rapport à son foyer, quand on s'est marié avec mon mari, il était d'abord dans la foi. Il était des chrétiens. Maintenant aussi il a abandonné. Il m'a laissé seul sur le chemin. Moi avec les enfants maintenant. Les enfants aussi ont grandi. Quand je leur parle de la parole de Dieu, et le papa aussi dit que non, pourquoi vous acceptez les instructions de vos mamans, de votre maman? Et pour le moment, les enfants là sont seulement dispersés comme ça. Et elle demande maintenant la prière pour son foyer. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Waouh. Ma soeur aussi là, oui. J'aimerais demander pardon. Parce que ça fait un mois et demi. Vous entendez devant là-bas? Mon mari me dit, tu ne vas plus aller là-bas, vous n'allez plus aller là-bas. Oui, attends, Kadi, on y attend ton foyer. Je lui dis, mais pourquoi, il y a quoi? Il ne m'a pas. Oui, il y a un gamin, mais il y a un gamin, mais au salut, au loup. Alors, on a même fait des problèmes par rapport à ça. Tu t'es fâché contre moi. Je suis fâché. Bernard, mets-tu de moi. Si c'est qu'il y a deux dieux, je ne sais pas. Mais oui, quand il tout Allah, je sais qu'il y a un dieu. Rwanda Allah rebote. Et je lui ai dit carrément que je ne vais pas aller là-bas. Oui. Oui, quand qu'on voit diable, il doit pas qu'on arrête. Et je m'avais demandé pardon à Dieu parce que lorsque je suis entrée ici, j'ai trouvé qu'on a commencé depuis. Oui, il doit voir les hado, t'as vu t'as les mots fluides. Parce que dans mon cœur, je dis que je ne vais pas aller là-bas. On devrait pas qu'on ira en voir hado. Je suis venue ici plus de 4 fois. Mm-hmm. Je n'ai rien ressenti, ni la présence de Dieu. Voilà qu'on fait mes amis. J'étais comme ça sec. Oui. Et je vous assure vraiment, j'ai baissé dans la foi par rapport à ça parce que j'ai. Ça m'a vraiment cassé. Et vous demandez, what jusqu'à maintenant, lorsque j'entre dans la présence de Dieu, lorsque je suis dans le jeûne et prière, mon cœur est calme lorsque. Quand je suis dans la prière, dans le jeûne et prière. Mais dès que je suis dans le jeûne et prière, j'aimerais demander pardon à mon mari. Oui, il y a un parce que j'ai dit que je ne vais pas venir ici. Et jusqu'à là, même dans mon cœur, lorsque je viens là, je m'assois. Donc tu les regardes comme ça, comme les objets, tout ça. Je demande pardon à Dieu et que mon mari me pardonne. Et que vraiment, Ne pleure pas, comment ça? Ne pleure pas. Je crois que ton mari te pardonne. Je crois que son mari est là. Je vous le dis, vous voyez sa présence. Le Seigneur est là, n'est-ce pas? Ah, que Dieu te dise. Ah, Seigneur. Quelqu'un voulait. La soeur s'est levée là. Elle s'élève devant le peuple de Dieu et devant Dieu. Elle ne connaît pas bien par le peuple, mais elle va se battre. Elle se lève comme ça, elle parlait du cas d'un cas de maladie, c'est-à-dire qu'elle-même, elle est malade, ça fait 7 ans. Elle est allée à l'hôpital, elle est allée au village, on avait prescrit et qu'on devait l'opérer. Il n'y a pas aussi d'argent. Elle a réfléchi, elle a donc pensé qu'est-ce qu'il faut faire. Elle doit maintenant entrer dans une autre dimension ou bien dans un autre lieu. Et elle revient encore en elle, dit que bon, Dieu est grand. Même si je meurs, la maladie ne peut pas rester en vie, nous allons tous mourir avec la maladie. Et comme elle a entendu maintenant qu'il y a un pasteur qui viendra, elle est venue comme ça pour écouter la parole. Elle est venue comme ça avec sa maladie, mais elle veut qu'on prie sur elle afin qu'elle soit guérie. Amen. Et la maladie l'a fait beaucoup plus mal au niveau de son cou et au niveau du thorax. Oui. Aide-moi aussi dans la prière. Amen. Et quand elle marchait sur la rue comme ça, elle parlait seule parce que son enfant est encore malade. Et là, son enfant aussi a la toux. Donc elle demande aussi la prière. L'enfant est à la maison pour l'instant. Elle demande l'aide avec la prière. Et l'enfant, la maison est loin d'ici. Sarah Mandai. Elle habite là-bas à l'opéra, c'est un peu loin d'ici. Ok. Que le Seigneur la bénisse. Dis qu'elle est dans sa présence. Et nous, nous avons dit qu'il y a Allah. Je crois qu'il y a des gens qui sont arrivés là. Wow. Fais-le entrer. Il y a des places ici. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Allah que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ah, je crois qu'il y a encore quelqu'un là-bas. Viens passer de ce côté de mon frère. Je crois que nous sommes à leur service. C'est là. Elle demande la prière. Elle ne se sent pas bien. Si le soleil se lève comme ça là, elle rentre à l'intérieur parce que ça ne va pas. Oui. Et s'il y a aussi le froid, elle ne sort pas aussi. Oui. Elle demande la prière, que Dieu l'aide. Et que Dieu me donne la paix dans mon corps. Dis-lui qu'elle ne pleure pas. Dieu qu'elle ne pleure pas. On est dans sa présence. Non, n'appelle pas. Dis-lui qu'on est dans sa présence. Non, n'appelle pas. Tout Seigneur Rawa. Ah, mon Dieu. Encore là-bas. Elle demande pardon à Dieu. Parce que elle a trop parlé par rapport à son foyer. Elle se, souvent quand elle décide de faire un petit commerce, son mari dit que bon, tu fais ça pour quoi rester là. Oui. Fais rien. Son mari est où? Son mari ici dedans. N'est pas venu. Ne pleure pas, d'accord. Et quand elle est seulement comme ça, elle ne fait rien. S'il y a un besoin, oui. Elle n'a pas aussi d'argent. Oui. Et elle s'efface pour le moment. Et si ça arrive ainsi, elle s'efface contre son mari, ça peut passer beaucoup de jours qu'elle ne parle pas à son mari. Donc en clair, son mari l'empêche de faire quelque chose pour avoir son propre argent. Oui. Et là, et quand elle est dans le besoin, elle ne peut même pas se satisfaire, elle s'efface contre son mari. Justement. Et ça demeure dans son cœur. Oui. Et s'il arrive qu'un enfant lui dérange, elle emploie des paroles même que l'enfant ne peut même pas entendre. Elle demande pardon devant Dieu pour ces journées. Que Dieu me donne à tenir ma langue en bride, tout ce qui sortira de ma langue. Que Dieu me donne la paix dans mon cœur. Amen. Qu'elle me redonne la joie. Amen. Qu'est-ce que vous en pensez, d'accord? Comment se fait la suite de pendant son mari sera là? Oh, ouais. Son mari est allé au travail. La soeur, c'est celle-ci. Toi, lève-toi, ma chère. Pourquoi je suis là? Courage, d'accord? Pour moi aussi. Cette fois-ci, c'est moi-même qui ai doigté maintenant. Ça va? Ça va. Oui, ça va. Quelle est la relation que tu as avec celle autre, celle qui est juste derrière toi? Celle-ci, regarde celle que je viens de pointer, celle-ci. Comment est-ce que tu as fait? Quelle relation vous avez? Et comprends. Oui, voilà, lève-toi aussi. Oui. Quand il y a des problèmes, il y a un passeur. Oui, elle explique maintenant quand le problème avait eu avec le passeur là. Oui. Et moi, il y a eu. Et la fille que le pasteur avait épousée, c'est sa fille. Oui. Donc, moi, tu as l'air de m'avoir. Il y a eu tiraillement entre les deux. Elle dit. Et lorsque la femme maintenant a eu la fracture, c'est celle-ci qui venait maintenant au secours de sa fille. Elles étaient au nombre de quatre. Les quatre femmes, elles sont là. Donc, moi, tu as le problème de ma vassal. Et quand maintenant ma fille s'est séparée avec le passeur pour que la fille rentre maintenant au village. Et elle entend maintenant, parce que le passeur s'est remarié, elle entend maintenant que c'est les femmes-ci là qui ont cherché la femme pour le pasteur. Le pasteur. Elle dit comment ma fille s'est fracturée. On dit maintenant que ce sont les sœurs qui sont en train de l'aider dans sa maladie. Si tel était le cas, pourquoi donc, comme elle a entendu, pourquoi donc elle faisait comme ça pour que celle-ci parte et qu'elle cherche autre fille, autre femme pour le pasteur. Donc, c'est pour ça qu'elle Cela m'a donné beaucoup de chagrin dans mon cœur. Et jusqu'à ce qu'elle allait dire que si ce n'était pas la parole de Dieu, si elle rentrait dans la tradition des Massa, si elle s'est rencontrée avec l'homme, elle devait bien se battre. Parce que la femme, si elle allait chez elle, elle se fréquentait. Il n'y avait pas de problème. Comme des sœurs. Quand je pars chez elle là-bas, même si c'est les arachides, les légumes, elle me donne. Et son mari aussi est un ancien comme mon mari. Et quand le problème était arrivé, donc ça lui a beaucoup dérangé. Et quand on venait même souvent à l'église, il y a même un temps que je ne veux même pas la voir ou bien la saluer. J'ai maintenant réfléchi que alors c'est lui qui est proche de toi, qui se moque de toi. Elle s'est levée maintenant pour demander pardon parce que depuis lors, elle n'avait pas demandé pardon à aux femmes-là. Et de même, quand on s'est rencontré avec les femmes, avec ces femmes-ci, elle ne se sentait pas aussi à l'aise avec elles. C'est pour laquelle elle se lève maintenant pour demander pardon aux quatre femmes-là que Dieu leur pardonne. Elles sont les quatre là. Elles sont trois. Levez-vous. Embrassez-vous. Viens, la cinquième est derrière. Embrassez-vous. Que ces choses-là soient douces, que ces choses-là parlent. Elle veut aussi parler. Mais je lui ai d'abord posé la question que ça va. Elle a dit ça va, non? Quand il dit ça va, ça veut dire quel est le problème? Parce que ça pèse sur les cœurs ici. Donc permettons qu'elle parle et puis vous embrassez, d'accord? Mais c'est pas, elle n'a pas elle fini. Elle n'avait pas encore fini. Ok. Donc, Ademé aussi, là. Elle m'avait appelé tout à l'heure à l'extérieur. Vous êtes les femmes des anciens, ici. Vous êtes les femmes anciennes, des anciens. Elle me disait donc que depuis qu'on était ensemble, là, tu m'avais tenu à tête, pourquoi tu ne m'avais pas dit ça? Elle me dit maintenant que pendant ce temps, si tu mourais, ça devait devenir quoi? Elle disait aussi exactement c'est ça, parce que la chose qu'on ne devait pas faire, ça, comme c'est arrivé comme ça, ça a troublé son âme. Donc c'est pour cela que... Oui, merci beaucoup. Elle dit maintenant que tout ce qu'elle a fait pour la femme du pasteur quand elle était dans son état de fracture, si c'était un mal, que Dieu leur pardonne. Et parce que beaucoup aussi dans l'assemblée se sont séparés d'elle parce que pour l'acte qu'elle a posé à la femme du pasteur. Et si ce qu'elle a fait, si tout le peuple qui est ici et les anciens, si tout le monde a constaté que c'était le mal, elle demande sincèrement pardon, que tout le monde leur pardonne. Amen. Pour elle, elle pensait que ce qu'elle faisait, c'était une bonne chose devant Dieu. Comme c'est devenu un péché, un mal. Oui. Si elle avait dit au pasteur que va te marier, ou bien elle avait cherché une autre femme au pasteur, elle est là. Que Dieu le pardonne. Et avec le peuple et même les anciens, que Dieu le pardonne. Et ce qui lui avait touché beaucoup plus, c'est que sa fille maintenant actuellement jusque là, elle souffre. Et quand elle voit maintenant les femmes là, elle est toujours dérangée. Et quand elle voit comme ça, ça commence encore à la déranger. Ce matin devant Dieu, que Dieu nous pardonne tous. Amen. Elle ne tient personne à cœur. Amen. Amen. Veuillez vous embrasser, ma soeur. Embrassez-vous. Et que le problème soit. Oui, embrasse. Oui, elle vient. Elle veut parler aussi, celle-ci. Viens, toujours par rapport à ce problème-ci. Viens parler. Elle va parler. Le travail qu'elle effectuait chez le pasteur pendant que sa femme était malade, oui. Elles étaient à quatre. Et l'homme qui nous aidait, c'était l'ancien Ernest, le frère Ernest. Et il fut un temps que tous les travaux qu'elle effectuait, la femme du pasteur me disait que non, tout ce qu'on fait là, c'est sale. La femme, si il fut un temps qu'elle a même préparé la viande du poulet, jusqu'à ce que la femme du pasteur a dit que non, la viande n'a pas été bien cuite, il faut qu'on remette encore au feu. Okay. Il fut un temps donc que j'ai parlé à l'ancien Ernest que comme la femme nous dit ainsi, tout ce que nous faisons, elle dit que bon, ce n'est pas bien fait, c'est bon aussi que nous nous retirons d'elle. Et l'ancien m'a aussi répondu que faites-le avec bon cœur, c'est à Dieu que vous le faites. Et nous sommes aussi, nous étions aussi en train de le faire. Et elle ne savait pas que ce qu'elle était en train de faire deviendra plus tard un problème. Là où je suis, ma co-épouse m'a aussi pris un coq ou bien un coq pour donner à la femme laquelle prépare. Et les travaux qui étaient dans notre propre foyer, on n'arrive même pas à bien les effectuer. On a maintenant scindé le temps, que on se succédait de temps en temps. Les autres partaient travailler pendant que les autres s'occupaient avec leurs travaux à la maison. Le moment venu où le pasteur avait décidé de se remarier, quel conseil qu'on n'avait pas donné au pasteur? Les femmes même, nous, on n'avait plus le temps pour parler au pasteur. Le pasteur avait refusé. Et l'ancien Ernest aussi lui avait bien parlé. On doit faire comment? Et tout ce qu'on faisait, on a constaté donc que c'était, ça s'est transformé en péché. Elle était malade. La femme du pasteur n'est jamais allée lui rendre visite à la maison. Et quand la femme était maintenant dans son état de fracture, elle avait fait tout pour la femme. Si c'est un péché que j'ai posé devant Dieu, j'ai commis devant Dieu, que le Seigneur me pardonne. Mais s'il faut dire réellement, nous n'avons pas poussé le pasteur, ou bien nous n'avons pas cherché une femme pour le pasteur. Elle ne savait pas que ça devait devenir comme ça. Que Dieu me pardonne si c'est un péché. Amen. Viens, ma soeur, dis-lui qu'elle vient que l'embrasse sa soeur. Viens. C'est là. Viens. C'est avec là-bas, n'est-ce pas? Embrasse ta soeur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il dit, c'est quelle journée? Quelle journée? Quelle journée? Oui, ancien. Oui. Tous ces problèmes-là. Allah demande fou. Ils ont supporté la femme du pasteur, elle avait quand même des pouces amères, même nous les anciens. Et dès qu'on m'a dit que Marie aime les calmes, même quand on tient fou. Suis bien mon frère. Et tout bon. Parce que la fille, il a marié le 2 novembre. Au banc, il y a le 2002. Vers Doubi, vers Bande Idi. Allez, vous savez, au Goho, vous reprochez la femme là. Sur ces comportements-là, beaucoup même sont nous paternels. Mais ce qu'ils sont en train de raconter là, c'est bon. Ils ont pris soin de la femme. Mais notre problème était que on a dit que la Bible a interdit. Donc si ta femme n'est pas morte, tu ne peux pas prendre une décision. C'est écrit dans la Bible comme ça. Tout le monde sait. Et le pasteur, lorsque ces problèmes et ces événements sont arrivés, il a parlé à le frère. Là, le frère lui dit que viennent parmi les collèges d'anciens, ils vont parler. Et lui dit que ça ne se fait pas. Malgré elle a des comportements quand même, elle était vraiment de créer des problèmes. Support. Ne faut pas agir. Ce n'est pas bon. Il ne nous a pas compris. Trois fois. Lorsqu'il a engagé à faire les choses, à mener une autre fille, et que celle-là qui est en train, elle est malade, nous avons décidé que non, frère ne vient plus au milieu de nous. Tu as laissé le conseil de Dieu. Donc c'est pourquoi alors aujourd'hui c'était sa venue hier dans la soirée. Que nous sommes en train de parler beaucoup de choses. Pour ça, c'est le problème pour nous, c'était le problème. Le pasteur, on travaillait pendant combien? 20 ans. Il est dans le ministère. Ces choses sont arrivées. Nous l'avons dit que ce n'est pas bon. Jusqu'à aujourd'hui, la femme est malade. C'est pourquoi là, sa marade la parle, parle, parle, parle. Si ça c'est que la femme était malade là, elles sont quand même bien faites parce que la fille a quand même des bouges. Qui n'est pas bonne. Elle bavarde beaucoup. Ah, elle bavarde beaucoup. Donc, c'est à cause de ça. Ça a amené des problèmes à l'église. Ça a amené beaucoup de problèmes. Ça nous a amené, ça a créé beaucoup de problèmes. Le voici. Je crois que le Seigneur veut que tout ça soit arrangé. Ça soit arrangé. C'est pourquoi nous sommes en train de se répandre, de parler là. À cause de ça. Quelqu'un ne peut pas demeurer dans sa sauce comme on dit qu'on ne pardonne pas, on ne fait pas ça. On arrange pas le problème. Ça ne se fait pas. Donc c'est pourquoi alors chacun est en train de parler. Et je crois que lui, notre conseil est que il peut aller. S'il y a possibilité, il peut aller voir sa femme là-bas. Donc on va résoudre ce problème après. Après. Donc on va causer. Et il peut causer avec son oncle, son père qui l'a donné naissance. Mmh. Tout, c'est après. Donc on va donc parler après. D'accord. Ah, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Maintenant, moi, je vous pose des questions maintenant. Souvenez-vous, je suis là pour vous servir. C'est mon devoir. Je suis obligé de faire cela. Et je vais rendre des comptes à celui qui m'a envoyé au milieu de vous. Moi, je vous pose la question. Dans la première partie, j'ai parlé des catholiques qui ont caché l'enlèvement, n'est-ce pas? Et vous savez qu'il doit avoir l'enlèvement. Pour ceux qui viennent d'arriver là, je ne sais pas si vont pouvoir comprendre ce que je viens de dire pour vous. Les gens qui sont venus en retard. Vous connaissez que l'enlèvement doit avoir lieu. Avec ce que vous avez vu, le Saint-Esprit souffler ici au milieu de vous maintenant. Pour faire sortir ceci, faire ressortir ça de la surface. Supposons que l'enlèvement avait lieu deux jours avant. Je pense seulement en termes de jours. Deux jours avant, si l'enlèvement avait lieu, vous devez partir. Donc vous voyez effectivement qu'on peut savoir que l'enlèvement doit avoir lieu, mais on n'y participe pas. Parce que l'enlèvement se prépare. Ça se prépare, c'est un mariage. D'Apocalypse chapitre 19, le verset 6 à 8, la Bible déclare que les noces de repos sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Pour ne pas laisser les gens dans les ténèbres, le Saint-Esprit explique ce que c'est. Il dit, ce fin lin éclatant pur sont les œuvres justes des saints. Que voilà comment elle se prépare. Donc c'est ça qu'elle doit revêtir. Les œuvres justes. Alors si deux jours avant, l'enlèvement avait eu lieu, ces œuvres peuvent nous conduire dans la salle des noces. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. Il y a un moment où vous devez faire un stop pour faire des rétrospections, pour faire un examen approfondi de vos vies individuelles avec le Seigneur. Quand le Seigneur donne les ordres dans la Bible, par exemple, si vous prenez le commandement sur le meurtre, il ne dit pas que vous ne tuerez point. Il dit, tu ne tueras point. Donc sa parole, c'est individuelle. Son observation, c'est d'abord individuelle. Donc Dieu entre en contestation avec chacun de nous individuellement. Et dans Romains 14, verset 12, il dit, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Donc chacun doit s'examiner. Quand vous êtes assis comme ça, supposons que l'enlèvement ait lieu maintenant, ce n'est que ceux qui sont prêts qui partiront. Que tu aies eu n'importe quoi au milieu de l'église, fais du bien comme tu veux. Si l'heure juste t'arrive, tu n'es pas prêt, tu ne partiras pas. À cet instant là, il n'y a pas de relation avec le pasteur. Que tu es femme de l'ancien, fils de l'ancien, ça ne marche pas avec Dieu. Chacun doit se préparer. Se préparer, ça veut dire quoi? Enlever ce qui peut t'empêcher de partir. Parce que c'est la chose la plus importante qu'on attend là-bas. Quand on se prépare pour le mariage, et l'homme et la femme, toutes les pensées sont focalisées là-dessus. On met les petits plats dans les grands pour contribuer à la réussite de la fête. On parle, on fait tout pour que la fête réussisse. Et depuis que Dieu a créé les cieux et la terre, il pense à cet événement. C'est l'événement du mariage de son fils et de son épouse. Donc tous les prophètes qui sont venus là, et dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, c'est pour appeler les gens à la noce. Il faut qu'on se prépare. D'accord, mes frères? Mais on va travailler. On va travailler. Il faut que tout ce qui crée obstacle puisse être enlevé. Ouais, comme dans la première partie, tu as parlé, ce vent-là souffle, ça m'a tourné là. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Il m'a projeté de ce côté-là. Parce qu'il faut qu'il nettoie toutes ces choses sur le cœur. Vous pouvez passer 100 ans. Comme vous étiez dans cet état-là. Dieu n'enlèvera pas les versets que vous avez appris dans votre tête. Vous pouvez continuer à citer les versets bibliques. Chanter les cantiques. Dis Amen. Mais Jésus ne vous connaît pas. Prenez bien garde. Mesurez bien cela. Donc la vie chrétienne ne consiste pas à venir à l'église. Lis la Bible. Dans Jacques chapitre 1, versets 22 à 27, il dit, ne vous bornez pas à écouter la parole sans la mettre en pratique, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc vous pouvez écouter la parole. Vous rentrez vivre n'importe comment. Vous prenez maintenant la réunion chrétienne comme n'importe quel style de réunion. Ou bien comme un passe-temps. Ou quand vous manquez quelque part, allez, vous allez aussi là-bas. Ou bien comme une obligation que si vous ne venez pas l'ancien, on va demander que tu étais où. Vous devez comprendre que la vie chrétienne consiste en la relation avec le Seigneur Jésus-Christ. On est connecté à lui pour porter des fruits. On ne fait pas cela pour plaire à quelqu'un. Donc prenez votre vie spirituelle en main. Vous devez comprendre que comme je suis devant vous maintenant, tout ce que nous faisons, la voix que vous entendez, les regards que vous fixez sur moi, les pensées qui traversent vos cœurs sont notées, enregistrées dans les cieux. Vu que vous saisissez cela, c'est-à-dire que tout ce qui va sortir de cette voix-ci, je vais rendre des comptes pour cela. Ce que vous allez en faire, vous allez rendre des comptes. Donc, comme vous êtes là, et que je suis là, c'est déjà enregistré. Ce que je veux dire, je vais rendre compte. La façon que vous allez recevoir, vous allez rendre compte. Il dit donc, la Bible dit, saignez le rein de votre entendement. Vous comprenez, frère? Donc, l'église, le Saint-Esprit ne peut pas marcher au milieu de l'église avec ces choses-ci. C'est pas possible. L'amour ne peut pas fonctionner là où il y a le manque de pardon. Par conséquent, le Saint-Esprit ne peut pas marcher quand il n'y a pas le manque, quand il n'y a pas l'amour. Et il n'y a pas des choses les plus pires, comme l'hypocrisie. Que de saluer quelqu'un comme ça, que mon frère, je t'aime. Alors que tu as sur le cœur quelque chose contre lui. C'est terrible. Mieux tu dis à la personne que je ne t'aime pas. J'ai quelque chose contre toi. Vous comprenez? Venez, ouvrons dans la Bible. Ouvrez la Bible. Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. À partir du verset 1. Arano ayarema. Luc chapitre 17 à partir du verset 1. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas le scandale, mais malheur à celui par qui il arrive. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jeta dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Vous entendez les mises en garde là? Vous entendez? Il n'a pas dit prenez garde à tout le monde. Ou prenez garde aux autres. Prenez garde à vous-même. Donc veillez sur vous. Suivant le pourquoi il dit donne la mise en garde. Oui. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Vous avez entendu ça? Ah. Oui. Et s'il a péché contre toi, sept fois dans un jour, et que cette fois, il revienne à toi en disant, je me repens, tu lui pardonneras. Amen. Gardons d'abord là-bas. Notez aussi Matthieu chapitre 18, on va y revenir maintenant. Puis vous notez aussi Luc au Matthieu chapitre 6. Donc notez Matthieu chapitre 6 et puis Matthieu chapitre 18. Donc le Seigneur dit ici, on va lire frère, il faut qu'on commande d'abord. Donc le Seigneur dit ici, prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché contre toi, si ton frère a péché, reprends-le. Reprends-le. Reprends-le, ça veut dire que va vers lui et parle-en. Et s'il se repent, pardonne-le. Puis il dit que même si c'est 7 fois dans la journée, qui pêche contre toi et qui se repent, tu dois le pardonner. Tu dois lui pardonner. Vous comprenez que c'est un commandement qu'on doit pardonner. Et Jésus dit prenez garde à cela. Qu'on veille à cela. Parce que le pourquoi il est venu sur la terre justement, c'est pour pardonner. Voilà pourquoi il a dû quitter le trône pour venir. Et le pardon implique automatiquement la réconciliation. Le pardon amène les dislocations. L'hypocrisie. La haine. Les mauvais soupçons. Le pardon amène la paix. La réconciliation. L'harmonie. L'amour. Vous ne pouvez pas être tranquille si vous ne pardonnez pas. Beaucoup de personnes ont des problèmes de cœur à cause de ce manque de pardon. Il dit que ce qu'un tel m'a fait là, je ne lui pardonnerai jamais. Et le vrai problème, ce qui fait comme ça, il vient prier. Quand on chante le Seigneur, la personne aussi chante le Seigneur. Il a souvent des moments de jeûne et de prière. Ne connaissant pas que Le premier principe de la Bible. Dans Matthieu chapitre 6. Vous connaissez le Notre Père, n'est-ce pas? Quand il donne la prière de Notre Père, Dieu verset 15, il dit pardonne-nous nos offenses. Comparaison. En comparaison. De la même manière. Donc, comme nous pardonnons aussi. Donc pardonne-nous comme nous pardonnons. Donc si un côté coupé, l'autre côté coupé. Et Jésus dit, si vous ne vous pardonnez pas les uns les autres, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. Donc en clair, votre degré de péché sur la terre par rapport au pardon est retenu contre vous. Si vous ne pardonnez pas. Parce que là, si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos péchés. Donc, tu es obligé de pardonner parce que tu as aussi besoin de pardon. Si tu ne pardonnes pas, ça veut dire que dès ce jour. Donc, si c'est depuis 1984 que tu as gardé quelqu'un sur le cœur, je peux me tenir devant vous maintenant en vous disant sûr que depuis 1984, aucun des péchés que tu as fait n'a jamais été pardonné. Donc, ça fait 33 ans que Dieu ne t'a jamais pardonné. Ça veut dire que si tu mets à tout moment, tout ce temps-là te sera compté comme punition. Pourquoi? Parce que tu as attaché quelqu'un sur le cœur. Notez Colossiens chapitre 3. Notez cela, Colossiens chapitre 3. Versets 12 et 13. Colossiens chapitre 3. Versets 12 et 13. La Bible déclare qu'on se revêt d'entrailles de miséricorde. Et que si l'un de nous a sujet de se plaindre, qu'on se pardonne réciproquement. On ne dit pas, le verset ne s'arrête pas là. Puis on dit, de même que Christ nous a pardonné. Donc la Bible veut nous indiquer jusqu'à quel niveau va ce pardon là. Parce que sur la terre, il y a des choses qu'on peut faire. Vous dites que non, celui-ci il a dépassé les limites. Il n'y a pas quelque chose que quelqu'un peut te faire que tu ne dois pas pardonner. Parce que si Dieu retenait une seule de nos iniquités, personne ne serait sauvé. Dans le psaume 103, le verset 3 et 4. Psaume, comment on dit psaume en français? Dis psaume, tu quittes là-dessus. Djaboura. Ouais, Djaboura. Chapitre 103, le psaume. Verset 3 et 4. La Bible déclare que c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Puis on gêne directement. On dit que et qui guérit toutes tes maladies. Vous voyez, on dit celui qui guérit tout, celui qui pardonne toutes tes iniquités. On a dit toutes tes iniquités. Donc toutes les iniquités, il les pardonne. Pour toi. Puis il dit qu'il guérit aussi toutes tes maladies. Donc le pardon implique aussi la guérison. Et vous continuez, si vous continuez dans ce passage de psaume 103, la Bible déclare qu'autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne nos iniquités de nous. Parce que l'Ouest et l'Est ne peuvent jamais se rencontrer. Donc quand il pardonne nos péchés, pour que c'est plus pour que ça nous rentre, ça rentre sur nous. Donc nous avons un Dieu qui pardonne. Et le Seigneur Jésus est venu sur la terre alors que nous tous nous étions coupables. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc sur cette base là, personne ne méritait d'être sauvé. Et personne ne pouvait résoudre son propre problème. Et bien, la Bible donne des cas que quand nous étions encore sans Dieu dans le monde, il a envoyé son Fils. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 13, la Bible déclare qu'il est venu annoncer la paix à ceux qui étaient loin et la paix à ceux qui étaient près. Et on dit par le sang de sa croix, il a brisé, il a renversé le mur. Cette inimitié, cette chose qui nous créait des problèmes avec lui. Et les deux, il en a fait un. Donc, dont la réconciliation par sa mort. Il nous aimait tellement au point où il a accepté d'aller à la mort. Pour que Dieu puisse nous intégrer, nous réintégrer de nouveau. Parce que nos iniquités nous éloignaient de lui. Il allait jusqu'au prix du sacrifice pour nous réconcilier. Et la Bible déclare qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses ennemis, pour ses amis. Voilà la preuve d'amour. Il n'y a pas de plus grand amour. Donc vous voyez le maximum d'amour. C'est d'aller jusqu'à mourir pour quelqu'un d'autre. Alors que toi, tu n'as rien fait. La personne est coupable. On veut le punir. Tu dis que cette personne quitte là. Je reçois la punition. Voilà l'amour. Et la Bible définit que l'amour couvre une multitude de péchés. C'est-à-dire que si mon frère s'y pêche, je ne veux pas dire à cette personne que le frère là a péché. Ce n'est pas l'amour ça. Je le couvre pour que ses péchés soient pardonnés. On dit que si quelqu'un voit son frère vivre dans le péché, on n'a pas demandé d'aller publier. Je vais dans la prière. On dit que qu'il prie. Dieu accordera la repentance à ses frères. Vous voyez ce que Dieu donne à l'église comme ordre, n'est-ce pas? Mais un frère peut venir confesser son péché à une personne. Deux heures après, tout le monde commence à le regarder comme ça. Parce que la personne allait relayer. Relayer. Au point, on commence à regarder la personne maintenant avec dédain. Pourtant, on doit plutôt couvrir la personne. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, si vous notez le verset 18 jusqu'au verset 22, le verset 18 jusqu'au verset 22, 1 Corinthiens chapitre 12. Je vous ai dit dans la première partie que je ne toucherai pas la Bible, ça se trouve ici. Donc, ce dont j'ai besoin, je vais seulement là où je veux. Vous vérifiez seulement si ce qu'il dit est là-bas. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 18 au verset 22. La Bible déclare au verset 18 que, et Dieu a mis chaque membre dans le corps comme il a voulu. Donc Dieu a placé dans le corps chaque membre comme il a voulu. Puis la Bible déclare que même les membres, ce que nous considérons comme les moins dans le corps, sont entourés de plus grands soins. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 13, il dit: nous avons tous été baptisés dans un seul corps pour former un seul dans un seul esprit pour former un seul corps. Donc on parle du corps de Christ là-bas, de l'église, et donc et puis qui est constitué de différents membres. Mais la lumière frappe sur les membres les plus faibles du corps. L'apôtre Paul explique que comme dans notre corps physique, il y a des zones, les membres qu'on néglige. Mais ces membres comme l'église qui sont négligeables sont entourés de plus grands soins. Il dit de même dans le corps de Christ, c'est comme ça. Vous allez monter, descendre. Il y aura des gens qui n'ont pas la même maturité que vous. C'est pour ça que dans Galates chapitre 6, verset 1, la Bible déclare que ceux qui sont debout, qui prennent garde de tomber. Que ceux qui sont forts doivent soutenir les faibles. C'est comme dans l'armée. Quand ils vont au combat, il y a les hommes armés parmi nous. Quand l'autre tombe par balle, puisqu'il a encore sa capacité, il s'agrippe sur son ami qui est tombé, essaye de tirer du corps. Et là, c'est au risque de sa vie. Parce que cette personne commence à le ralentir. Mais il faut que le mettre à l'abri. On ne laisse pas les camarades qui sont tombés par balle, qui ne sont pas morts. On fait tout et tout pour les tirer de là-bas. C'est ce que les gens de l'armée font. Mais les chrétiens qui chantent debout, sainte cohorte, soldat du roi des rois. Quand l'ennemi tire sur son frère, il achève. Il ne sait pas quel geste d'armée on a. C'est-à-dire que les armées terrestres, quand ils vont au champ de tir, dans la guerre, on tire sur le pied de son frère. Il fait tout pour sortir du combat. La vraie armée, les chrétiens, quand l'ennemi envoie une flèche du péché, pour le faire tomber dans le péché. Oh, la Bible dit que le juste tombe cette fois, Dieu va le relever. Une flèche l'atteint. La flèche l'atteint. Le péché, l'accusation de l'ennemi, c'est une flèche dans le combat. Parce que Dieu veut qu'on marche dans la sainteté. Mais c'est pour que dans notre marche, quelque chose nous fait chuter. Dont on a été atteint. Le chrétien, au lieu de le couvrir par l'amour, priez pour lui, qu'il soit fort. Dis, frère, tu vois tel frère, il a péché. Vous voyez là où on se trouve. Oh, les choses du monde, la Bible déclare que la nature elle nous enseigne telle part. C'est au milieu de nous qu'on devait voir l'harmonie. Imaginez qu'on sortit de la vie de notre Seigneur Jésus sur la terre. Dans le livre de Jean, chapitre 17, il a passé le temps à prier pour l'unité. Père, qu'il soit un comme toi et moi, nous sommes un. C'est la prière qu'il a dite. En priant à l'unité. Il regarde sur la terre, c'est la division. Il envoie l'apôtre Paul. Que écrit encore. 1 Corinthiens. Chapitre 1. Verset 10. Il dit qu'on soit du même sentiment. Même esprit, qu'il n'y ait point de division. Dieu regarde sur la terre. L'autre dit que j'appartiens aux catholiques. Je suis protestant. Je suis pentecôtiste. Je suis apostolique. Je suis ceci. Oh, au départ, il n'en était pas ainsi. Dieu regarde aujourd'hui. Il faut définir même le groupe chrétien dans lequel tu appartiens. Et si je ne consécute pas ça maintenant, tout autant vous-même, vous allez me poser ça. Vous allez arriver au niveau, vous allez me demander que mon église, c'est quoi. Donc mieux, j'éteins ça maintenant, beaucoup vous ne faites pas cela. Parce que je suis votre frère. Je ne présente pas un nom. Un seul nom nous réunit. Le nom du Seigneur Jésus. Il a dit que si deux ou trois sont réunis au nom du full gospel. C'est ce qu'il a dit dans la Bible. Au nom des protestants. Au nom des catholiques. Au nom des saints des derniers jours. Des rachetés. En quel nom? Donc il n'y a pas deux noms sur lesquels on doit se réunir. Vous voyez le problème au milieu des hommes. Et donc dans 1 Corinthiens chapitre 3, la Bible déclare que lorsque vous appartenez aux dénominations, vous êtes encore charnel. Il dit quand l'un dit moi je suis dé. Et l'autre dit je suis dé. Vous mettez n'importe quel nom maintenant. Il dit n'êtes-vous pas les hommes? N'êtes-vous pas charnel? Et la Bible déclare que la chair ne peut pas hériter le royaume. C'est pour ça que ceux qui sont nés de l'esprit ne peuvent pas être embrigadés. Parce que l'esprit de leur père le conduit où il veut. Vous voyez là où on se retrouve, n'est-ce pas? Donc le vrai problème maintenant, c'est que la chair a pris place en lieu et place. Et bien quand la chair prend place, le Saint-Esprit se retire. Quand le Saint-Esprit se retire, C'est normal que les sentiments humains puissent prendre place. Et quand les sentiments humains se trouvent en plein, l'orgueil va s'installer. Personne n'acceptera qu'on marche sur son territoire. Et donc on a tous ces amis au milieu chrétien. Mais quand le Saint-Esprit est là, il impose respect au nom du Seigneur Jésus. Il y a la crainte de son nom. Dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 19, la Bible déclare que quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité, dans la prononciation, dans l'Ancien Testament, il a érigé ça en commandement. Il dit, tu ne prononceras pas le nom du Seigneur en vain. Mais malgré que le Nouveau Testament interdit qu'on jure, un frère fait comme ça, il touche le bas de chasse, il dit comme ça, il dit, je te jure au nom de Dieu. Tout en mentant. Et Jésus dit, et la Bible déclare que si on prononce le nom du Seigneur Jésus, on doit s'éloigner de l'iniquité. Parce qu'il est saint. Il dit, je suis saint, vous serez saint. Donc, ces choses montrent que c'est la chair. Je crois qu'il y a un téléphone qui a sonné vers... Veuillez éteindre le téléphone, que le téléphone ne dérange pas. Je veux que cette atmosphère ce soit là, pour qu'on puisse parler. Donc, la Bible déclare donc que le péché, la chair sont liés. Pour que l'esprit puisse manifester sa vie au milieu de l'église, il faut que vous mouriez afin que Christ puisse paraître. Si ce n'est pas ça, vous allez vous réunir en vain. Et on va arriver à ce que la soeur, cette soeur a dit en dernier lieu, que quand elle est entrée, n'a pas senti la vie. Or, la vie n'est pas dans l'air. C'est vous qui apportez la vie quand vous vous réunissez. C'est-à-dire, quand vous vous réunissez, l'Esprit de Dieu n'est pas le vent qui vient entrer. Il se trouve dans l'être humain, en train de se manifester. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, le Saint-Esprit n'est pas un vent où il va souffler. Quand il vient, c'est vous qui devrez l'amener. Vous devez lui faire place. Donc il vous faut la repentance. Il vous a accordé l'esprit de supplication. Aujourd'hui, il vous a amené ce qu'on appelle l'esprit de supplication. Pour que le cœur s'ouvre comme ça. Si ce n'est pas comme ça, vous allez vous réunir là-bas après sortir. Ce type de réunion là avec les cœurs fermés comme ça, ça ne vaut pas la peine de venir. Parce que vous venez comme ça, vous tentez le Seigneur. Dans la Bible, lorsqu'on se réunissait comme ça, quand les gens mentaient, ils mouraient sur place. Et quand ils faisaient cela, la crainte s'empara de ceux qui observaient. Donc, ne permettez pas que quelqu'un vienne au milieu de vous et tue les gens. On commence à dire dans l'église, on tue les gens. Donc, arrangez-vous. Il a fait ça dans la Bible. Il a permis que ce soit écrit comme ça. Pour qu'on se mette sur nos gardes. Que le peuple de Dieu est saint. C'est pour cela que la Bible déclare qu'aux saints qui sont à Colosse. Donc parce que quand vous avez été sanctifié par le sang de Jésus. Et le Saint Dieu saint. Mais pas seulement un Dieu saint, pas seulement un Dieu d'amour, il est aussi jaloux. Il est aussi jaloux. Et la Bible va plus loin en disant qu'il est aussi un feu dévorant. Donc faisons attention, d'accord? Quand on invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ, il faut qu'on vive une vie conséquente de cette nom. Donc le manque de pardon est un obstacle majeur pour la marche chrétienne. Votre état de cœur de pardonner sera la quantité d'amour que tu peux octroyer aux gens. Et plus vous aimez votre prochain, plus les grâces de l'Esprit peuvent vous être accordées. Vous voyez, remarquez très attentivement au milieu de nous le manque de pardon, des maladies, des haines, des dislocations. Mais maintenant, la Bible déclare que lorsqu'on se réunit, qu'on chante de tous d'un seul cœur, qu'on soit armés d'une même pensée. Alors, quand un de vos anciens se tient ici, il va dire que baissons la tête, prions, élevons la voix à Dieu. Prions. Vous pensez que vous avez le même accord? Il dit qu'on part, on compte. Est-ce que c'est le même accord? Donc ça veut dire que vous êtes vous trompez. Vous ne pouvez, ça ne peut pas marcher comme ça. Il dit qu'on sacre la on sacre la maintenant, la Bible déclare dans Jacques chapitre 5. À partir du verset 14. Que quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens. Et que les anciens prient pour lui. En invoquant le nom du Seigneur. Vous voyez cela? Il impose les mains, il loin le malade. Au nom du Seigneur. Puis le Saint-Esprit promet que la prière de la foi sauvera le malade. Amen. Il va plus loin en disant que s'il a commis quelques iniquités, c'est-à-dire que si c'est le péché qui a même amené la maladie, ces iniquités lui seront pardonnées. Voilà la promesse de l'Église. Donc si on a la maladie au milieu de nous et qu'on a en même temps l'ancien et que la Bible dit ça, ça ne se passe pas. C'est que c'est nous qui avons le problème. L'écriture n'a pas de problème. Donc je vais travailler avec les anciens ce jour que je vais travailler avec les anciens. On va prier ensemble pour que cette grâce-là demeure sur eux. Pour que désormais qu'ils prennent soin du troupeau comme il se doit. Vous savez, c'est l'esprit. Vous ne pouvez pas fonctionner avec la lettre sans l'esprit. Il vous faut le Saint-Esprit. Il vous faut le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien. Un marabout entrera ici, il va vous challenger, personne ne bougera. Quand il va sortir, vous allez gueuler que Jésus est Seigneur, Jésus est fort, Jésus est puissant, Jésus est puissant. Le marabout va dire, si tu fermes, je ferme ta bouche là maintenant. En plein milieu, tu vas dire, tu es le roi des rois. Mais tu ne peux pas le challenger. Parce que tu ne peux pas le challenger avec les lettres. La Bible déclare dans Ephésiens chapitre 6, versets 10 et 11. Il dit qu'on se fortifie dans le Seigneur. Et puis il dit, et par sa force toute puissante. Deux versets. Deux commandements dans un seul verset. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissance. Donc, la puissance du Saint-Esprit est disposée pour vous fortifier. Puis verset 11 dit, il dit, prenez toutes les armes de Dieu. On dit prenez. Donc c'est disposé. Prenez toutes les armes de Dieu. Vous voyez cela? Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir contre les ruses dont la Bible a donné la solution comment tenir contre les ruses du diable. Et il n'a pas dit que tu peux étudier la théologie, que tu peux apprendre le livre stratégique. Il a dit prenez toutes les armes de Dieu. Et il dit que c'est pour pouvoir lutter contre ces ruses là. Donc on ne lutte pas contre les ruses de Dieu avec notre connaissance. Pas avec notre force. Encore moins avec son style d'âme à lui. Vous ne pouvez pas aller lutter contre l'ennemi en ayant ses propres armes. Sur le plan humain, c'est même compréhensible. Parce que vous pouvez avoir le chat là-bas, l'autre a le chat. Si l'un a trois coups, l'autre a quatre coups, celui qui a quatre coups gagnera certainement. Mais le combat que nous menons est spirituel. Et que vous le voulez ou pas, on est dans le combat. Que vous soyez conscient ou pas, on est dans le combat. Le jour où vous dites que Seigneur, je décide de vraiment de te suivre, ça veut dire directement que je me place en soldat ennemi de Satan. Que tu sois conscient du combat ou pas. Et donc, la haine se trouve du côté de Satan. Le manque d'amour se trouve de son côté. Vous ne pouvez pas être du côté de l'amour. Vous manifestez ses œuvres. Et puis vous partez le combattre. Ça ne peut pas se faire. Il dit prenez toutes les âmes de Dieu. Et dans ces âmes qu'il cite, il n'y a pas de Kalachnikov là-bas. Il n'y a pas de grenade. Ayez à vos reins la vérité pour cette vie. Et donc si je viens vers mon frère, dit frère, mon frère, je t'aime. Et que je ne l'aime pas. dont je n'ai pas ces ceintures. Et vous n'avez pas les ceintures, on peut vous déshabiller facilement. Donc Satan va manifester que tu n'es pas vrai. Donc vous ne pouvez pas aller combattre Satan avec le mensonge. Vous voyez, le chrétien, nous avons besoin. Si on pouvait avoir un mois d'enseignement, là, il prend le temps pour entrer dans ces choses-ci. Vous réunissez ici. Vous élevez la voix. Vous dites que vous liez tous les esprits méchants dans les environs. Et Dieu se sert. Ils sont là, les sorciers sont à côté de vous. Ils sont là. Mais la nuit, ils vous appuient sur le lit, vous ne pouvez pas bouger. Vous dormez, les chiens vous poursuivent, le porc vous poursuit. Vous avez les cauchemars. Les couches de nuit. Vous mangez dans les rêves. Alors que vous venez de prier. D'autres jeunes même, c'est le jour de jeunes même qui fait cela. Pour nous montrer qu'on a quitté la fondation, le fondement. On est vulnérable. La solution c'est la repentance et de prendre les armes. Là-bas. Quand les hommes ici sur la terre, quand les gens luttent, on peut identifier la position de l'ennemi. Envoie même les radars, des espions. Mais vous, est-ce que vous savez là où l'esprit habite? Donc il peut frapper à tout moment. Sans que vous ne sachiez comment il a fait. Donc ils pourront prendre les armes de Dieu. Dieu n'a pas demandé de prendre vos armes. Il a dit de prendre ses armes. Prenez toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir tenir contre les ruses du diable. Dieu par ses paroles dit, sans ses armes, vous ne pourrez rien contre Satan. Mais il n'a pas demandé de prendre ses armes pour aller combattre Satan. Il a dit pour pouvoir tenir ferme. Donc les armes, c'est pour te protéger. Pas pour aller combattre parce qu'on ne sait pas où il est. Donc ça dit qu'il faut se préparer pour que s'il vient, il te trouve prêt. Si Satan vient, il regarde dans votre cœur, qu'est-ce qu'il voit? Le manque d'amour, donc vous avez le même attribut que lui. Il faut que ça s'arrête aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc nous sommes samedi. Dès demain dimanche et lundi, vous passez le temps dans le jeûne et la prière chez vous. Dans le jeûne et la prière. Ne priez pas si je prie que j'envoie le feu à gauche, j'envoie le feu à droite, ça ne fera rien. Ça va vous brûler vous-même. Restez dans la repentance, la présence du Seigneur. Demandez-lui pardon. Pour toutes les fois où vous avez prononcé son nom en vain. Toutes les fois où vous avez livré vos membres au péché. Demandez-lui pardon. Vous serez surpris que vous priez, les guérisons ne se passent pas. Romains chapitre 6 dit au verset 12 que le péché ne règne donc point dans votre membre et n'obéissez point à ses convoitises, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes non point sous la loi mais sous la grâce. Puis la Bible explique qu'autrefois quand on était dans le péché, on livrait nos membres au péché, on était esclaves du péché, que maintenant sous la grâce on dit livrons nos membres comme les instruments de justice. La Bible veut dire que permettez que Dieu vous utilise vos membres pour se servir, parce que quand on est dans le péché, on permet que le péché utilise nos membres pour se servir. Vous ne pouvez pas donc être chez Dieu et vous voulez utiliser le don de guérison de Dieu. Vous êtes dans les ténèbres, mais vous voulez utiliser les dons de guérison de Dieu. Ça se trouve dans la lumière. Ça se trouve dans la lumière. Vous savez, n'est-ce pas? Donc il faut donner nos membres à Dieu. Prenez son nom ces deux jours pour vous repentir. Présentez en vos membres à Dieu. Vos cœurs. Seigneur, j'ai livré mon corps au péché. Daigne me pardonner. Sanctifie-moi. Rends-moi un ouvrage utile pour toi. Il a dit dans 2 Timothée 2, verset 20, il dit dans une grande maison, il n'y a pas que le vase de terre, il y a aussi des nouvelles villes. Puis il dit, si quelqu'un se préserve de ces choses, donc si tu es loin de ces choses de péché, il sera un vase d'honneur. utile à son maître. Vous voyez que quelqu'un peut venir chez vous, prenez le gobelet avec le sable, vous versez le dedans pour lui donner. Donc, pour servir ce gobelet, c'est l'eau dans cette gobelet là aux gens. Qu'est-ce qu'on fait d'abord? On doit faire quoi sur le gobelet? On lave le gobelet. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas utiliser Dieu et ces grâces-là avec le péché. Il faut s'asseoir. Il faut s'asseoir écarté. Donc, si quelqu'un s'abstient de ces choses, il sera un vase d'honneur, vase utile pour son maître. Qui veut que le Seigneur l'utilise? Alors, il faut rentrer dans la repentance. C'est la solution. Rentrer dans la repentance, deux jours, si, parce que les gens. Quand il parle de jeûne, vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Donc de dimanche jusqu'à lundi soir, vous mangez à partir de lundi soir. Passez le temps dans le jeûne. Souvenez-vous, vous n'allez pas mourir. Votre corps va être, vous allez trembler comme ça, comme le pape Jean-Paul II, mais vous n'allez pas mourir. Vous allez avoir la sueur sur vous, ça va vous faire trembler. C'est pour votre bien. Vous n'allez pas mourir. Mais vous allez sortir au-delà de ces jeunes-là avec quelque chose de nouveau. Vous le faites véritablement comme le Saint-Esprit en parle. Quand vous allez vous réunir ici pour que quelqu'un m'a encore à son prochain ou bien garde quelque chose sur le cœur, il va réfléchir par trois fois. Donc faites cela et voyez. Repentez-vous, tournez-vous entièrement au Seigneur et voyez comment vous utilisez. Vous voyez, dans la première partie, c'est en train de dire ici. J'étais dit quand nous étions dans le vol, dans l'avion qui nous a mené ici à Garoua, j'ai vu les maisons de façon que vous êtes éloigné du monde. J'ai dit au frère Hervé qui est venu avec moi, il dit ces gens se sont bien plus que nous qui sommes à Douala. Puis tout à l'heure quand j'y parlais, j'ai dit que même si vous avez évité tous ces vrombissements de la ville de Douala, c'est le genre de péché qu'on a où les gens font n'importe quoi. Il n'en demeure pas moins que si le Saint-Esprit n'est pas là, vous êtes quand même dans les ténèbres. Donc vous pouvez fuir un aspect du péché, être dans un autre aspect. Et le Saint-Esprit n'a pas tardé pour me donner raison. Vous avez vu où on se trouvait. S'il y avait le lieu de ténèbres, quelqu'un peut fuir dans le monde là-bas en disant que nous allons à l'église pour prier. Ils entrent au milieu de nous. Qu'est-ce qu'ils trouvent encore? Même ténèbres. Vous voyez là où on se trouve, n'est-ce pas? Donc il ne s'agit pas de se réunir comme ça en chantant fort pour être dans la lumière. Dans 1 Jean chapitre 1, si vous lisez le verset 1 à 7, la Bible dit que Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Si quelqu'un dit je l'ai connu et qu'il marche encore dans les ténèbres, c'est un menteur et la vérité n'est point en lui. Vous comprenez? La Bible déclare que si nous marchons en lui, comme il lui-même dans la lumière, nous sommes en communion dans la lumière et le sang de son fils Jésus nous purifie de tout péché. Donc, pour que ça soit purifié, il faut être en lui. Marcher dans la vérité. Que les Saintes Écritures soient votre socle. Votre base de vie. Mais suivez, frère. Mais si vous prenez la Bible, vous déposez à la maison. Vous allez à vos activités. De lundi jusqu'à vendredi. Samedi soir, vous prenez la Bible pour écrire les références que vous avez mis là-bas. Et puis vous venez prendre ça, vous en vous lisez. J'ai doute fort que vous soyez exactement comme les protestants. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Donc vous avez hérité là. Vous faites la même chose comme les protestants. Mais la Bible déclare que c'est l'Esprit de Dieu qui doit vous conduire dans toute la vérité. Et donc il faut une communion avec lui. Vous allez prendre les deux versets. Lis, expliquer. si le Saint-Esprit n'est pas là, vous êtes quand même dans les ténèbres. Parce que la Bible déclare que ces anges sont aussi les anges, ils faisaient se présenter en anges de lumière. La Bible déclare que ces messagers prêchent aussi la Bible. En fait, quand le diable a pris Jésus dans Matthieu chapitre 4, ils ont commencé les discussions. Les discussions sont achevées dans l'écriture. Quand il a compris que Jésus citait les écritures, il a fui. Il a aussi cité les écritures. Il dit que comme tu dis trop, que tu parles de Dieu, tu parles trop de Dieu, tu parles de la Bible, là, sache qu'il aussi, il est aussi écrit à ton sujet ceci. Donc Satan n'a pas peur de réciter la Bible. Ce dont il a peur, c'est l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit. Vous voyez, l'épée de l'esprit, c'est quoi? Si vous avez la parole, et sans que ça ne soit loin de l'Esprit de Dieu, c'est exactement comme vous avez un pistolet qui ne peut pas décharger. Il y a des gendarmes parmi nous, les militaires. Supposons que vous allez devant un bandit. Il a son arme. Quand tu sors ton pistolet, tu dis que hold les mains, il lève la main. Parce qu'il a vu quoi? Il a vu le pistolet. Mais il essaie de fuir. Il entend, tu fais caca, ça ne décharge pas, c'est lui qui va venir vers toi. Donc avoir la parole de Dieu sans esprit, c'est comme avoir un pistolet non chargé. Tu peux effrayer l'ennemi pour un temps. Mais quand il va se rendre compte qu'il n'y a pas de balle, il va te poser la question, pourquoi tu cites le nom de Jésus? Vous avez lu à chapitre 19, les sept fils de Sceva. On les appelle les exorcistes ambulants. Vous savez ce que ça veut dire ambulant, non? Ça veut dire comme qu'il est de lieu à... Il faisait ça un jour, un autre jour, un autre jour, jusqu'à ce qu'il confronte un autre démon. Les démons disent que vous prononcez le nom de Jésus avec un mandat. On sait que Paul a reçu le mandat de nous traiter. Vous là, qu'est-ce qui vous a pris? C'est un homme qui avait sept, dans lequel il y avait l'esprit. Eux, ils étaient sept. Il les a tapés parce que chacun est sorti torse nu. Pourtant, ils avaient toujours eu affaire à cela. Donc, vous devez chercher la puissance du Saint-Esprit. Sans ça, vous ne pouvez pas entrer en service. Vous allez être seulement des cymbales qui retentissent. Des bavardages. Si c'est pour les bavardages, on n'est pas différent des témoins de Jéhovah. Parce qu'ils bavardent. Et ils convainquent. Si vous n'êtes pas différent des catholiques, ils bavardent. Et il convainc. La prévision, 1 milliard de personnes. Vous n'êtes pas différent du protestant. Il proteste avec énergie. Il convainc. La différence, c'est que la parole soit loin de l'esprit. Voilà la différence. C'est ça qui fait la différence. Jésus qui a quitté sur la terre, dans Luc chapitre 24, si vous lisez les versets 49 et 50, il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez. Jusqu'à. Vous entendez le mot? Attendre jusqu'à. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. Il faut attendre. Donc sans la puissance, parce que le Seigneur savait que la mission dans laquelle ils envoient, c'est une mission dangereuse. Cette mission ne doit pas être faite sans la puissance du Saint-Esprit. Parce que vous allez dans un territoire où, il y a les sorciers, les marabouts, etc. Comment vous allez vous en sortir devant les sorciers, devant les esprits impurs, devant des démons? Vous allez prononcer le nom du Seigneur jusqu'à vos têtes, vous allez avoir mal de tête. Et quand ça n'a pas marché, vous allez dire que la personne là n'a pas de foi. Mais le Saint-Esprit a besoin de vous utiliser. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se repentir. Dans Actes chapitre 1 encore, il a dit, mais vous, vous recevez le Saint-Esprit. Une puissance. Quand le Saint-Esprit vient sur vous, et vous serez mes témoins. Vous entendez ça? Le Saint-Esprit vient sur vous, ça vous accorde la puissance. Et là, vous pouvez être le témoin. Donc, on ne doit pas témoigner sans la puissance du Saint-Esprit. Sinon, Satan peut glisser dans votre cœur, parler et tuer les gens. Dans Actes chapitre 10, le verset 38, l'apôtre Pierre dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus-Christ de Nazareth. Et comment il allait de lieu en lieu, il faisait des biens guérissant les gens qui étaient sous l'emprise du diable. Parce que Dieu était avec lui. On l'a oint et la Bible déclare que lorsqu'il est revenu du désert, il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et sa renommée s'est accourue dans toute la Galilée. Donc on ne prêche pas un Dieu mort. Il est vivant. Jésus est ressuscité. Et Éphésiens chapitre 3 verset 10 dit que sa puissance est disponible pour fortifier notre homme intérieur. Mais sa puissance ne viendra jamais avec s'il y a les blocages sur le cœur comme ça, le manque d'amour. Les femmes là derrière, vous m'entendez bien? De ce côté, vous m'entendez? Vous êtes fatigué, il peut arrêter d'abord ou bien? Vous avez, en fait, je suis venu vous informer que vous avez besoin du Saint-Esprit. Prêcher Dieu sans l'Esprit de Dieu, enfin, je ne sais pas. C'est comme vous allez au champ, vous avez la machette, vous n'avez pas limé. Vous allez couper un arbre. Vous allez au champ, n'est-ce pas? Vous savez les choses qui sont dans la main quand vous arrêtez la machette pour taper. Nous sommes en saison sèche. Allez prendre cette machette non, qui est neuve, là, qu'on n'a pas encore limé. Et passez votre temps à taper les herbes. Ça va sortir. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Pour que lorsque vous priez, vous savez qu'il est là. Il y a une soeur qui a dit là tout à l'heure là, dans sa parole qu'elle était fâchée contre Dieu. Ces blocages, c'est là où ça conduit. D'autres ont dit que leurs maris ont quitté la foi. Voilà là où ça conduit, inéluctablement. Donc quand on n'expérimente pas Dieu, on va continuer sur la littérature dans un train répétitif. Avec ces répétitions là, à un moment donné vous êtes fatigué vous-même parce qu'on ne sert pas le Dieu qui est esprit avec la chair. C'est avec l'esprit qu'on doit le servir. Il dit leur vie et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et donc adorer en esprit et en vérité, ça ne veut pas dire qu'on chante trop fort. On lit la Bible. Vous essayez de forcer de lire la Bible avec votre chair, vous allez faire un jour, deux jours, troisième jour, vous allez faire comme ça. Dit que Dieu va comprendre. Après, dit que non, c'est fatigant. Déposez la Bible. Vous allez petit à petit. Le commencement, donc, c'est la nouvelle naissance. Donc, il faut que le Saint-Esprit soit là. Notez Ézéchiel chapitre 36. Si vous savez que vous êtes fatigué, que vous donnez une pause, parce que moi, je vais parler, vous répétez jusqu'à 19h. Après, tu veux parler? Non, il faut une pause. Donc le frère dit qu'une pause s'impose. Que si je me pose à la pause, il me pose à une dose. Donc il va vous donner quelques pauses pour que vous vous étirez. D'accord. Je ne sais pas comment le Seigneur va diriger cela. Mais on va prier. D'accord, on va prier. Mais restez seulement dans le jeu. On va prier. Vous allez savoir que le Saint-Esprit vous a visité. Ce n'est pas l'huile que je vais vous donner. Ni les bracelets spirituels. Ni l'eau onctionnée. La Bible nous a dit qu'on a l'autorité dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus est accessible pour tout le monde. Mais à condition que vous fonctionnez dans son autorité. La Bible dit quiconque invoquera son nom sera sauvé. Quiconque invoquer, ça veut pas dire faire dire ça à répétition tout simplement. Ça veut dire être la personne à invoquer. Être à la position où tu as le droit d'invoquer. C'est pas tout le monde qui peut voir un bandit à route dire que je t'arrête. Mais un gendarme et un militaire ont reçu l'autorisation pour cela. Même un militaire connaît ses limites. S'il arrête un brigand, il sait à qui de droit remettre. Il va se diriger vers les gendarmes. Si lui-même ne le fait pas, il le séquestre. On va le poursuivre lui-même le militaire. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Donc on va fonctionner à une autorité qui ne nous a pas été accordée. Ça, c'est sur le plan, ça, c'est pour le plan physique. Mais le plan spirituel est plus dangereux, plus subtil que ça. Donc l'autorité est donnée aux croyants pour fonctionner dans le nom de Jésus. Comment pensez-vous que Dieu nous aime tellement? Il nous sauve. Il nous laisse en territoire ennemi. Lui reste à distance. Il reste à distance. Il prenait courage. Il dit vous aurez les tribulations. Mais prenez courage. Donc, il nous a laissé dans le monde. Il nous informe dans Jean chapitre 14 verset 30. Il dit le prince de ce monde aussi vient. Donc il vient pour gouverner. Moi je m'en vais. Vous restez avec lui. Prenez courage. Donc il laisse l'ennemi avec nous dans le même territoire. Mais il y a un truc qu'il nous a donné. Le nom de Jésus. Ce nom, il dit qu'à la mention de ce nom, tout genou fléchit. Mais le vrai problème là, c'est comment avoir accès à son autorité. Pour que je prie en son nom et qu'il y ait des résultats. C'est là le problème. Parce que tout le monde peut prononcer le nom de Jésus. Même les faux pasteurs dont on parlait tout à l'heure dans la première partie. Vous avez entendu un faux pasteur venir prêcher au nom de Satan. Même si vous êtes malade, un pasteur dit que je prie pour vous au nom de Satan, vous guérissez, vous allez partir. Même les marabouts. S'ils entendent qu'on dit l'église de Satan, le marabout va regarder, vous allez dire que vous êtes fort. Lui-même n'a pas entré là-bas. Pourtant, il sait Satan. Donc, le nom de Jésus peut être prononcé uniquement par ceux à qui ils ont reçu accès à ce nom. C'est-à-dire, si vous êtes réconcilié avec lui, vous êtes réconcilié avec lui, alors vous êtes un peuple qui porte son nom. Donc vous pouvez utiliser son nom. Vous voyez, quand le fils du président, notre président passe quelque part, vous dites que voilà le fils du président. Le simple fait que on dit que c'est le fils du président, ça tient les gens en respect tout autour d'eux, n'est-ce pas? Vous pouvez parler à Franck Bia, comme n'importe comment. S'il vient seulement à Garoua, même le gouverneur se met au garde à vous. Si le fils du président met le pied à Garoua, même les militaires, les chefs des militaires vont se mobiliser pour le protéger. Le fils du président humain. Et nous sommes les fils du roi des rois. Le créateur des cieux et de la terre. Mais les petits démons que Jésus a vaincu continuent à nous tourmenter. Pourtant, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur quelques-unes des puissances de l'ennemi. C'est ce qu'il dit. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Puis conclut, et rien ne pourra vous nuire. Frère, c'est Dieu que je sers. C'est lui. Toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Donc, maintenant, quand vous entendez ces choses, vous entendez une chose de ce côté. Nous sommes en guerre. Deuxième chose, nous sommes dans le territoire de l'ennemi. Troisième chose, cet ennemi est invisible. Quatrième chose, Il s'agit de celui qui s'est opposé à Dieu. La Bible déclare que c'était un chérubin protecteur. Aux ailes déployées. Donc ce n'est pas n'importe quel être humain avec qui vous avez affaire. Et de ce côté-ci, on nous dit que pourquoi tu t'appartiens si tu dois être saint? Tu ne dois pas avoir ses œuvres à toi. Tu dois t'appuyer sur le Seigneur uniquement. Lui. Tu dois cesser de compter sur toi. En ce temps-là, la puissance de Dieu est disponible pour toi. Pour pouvoir tenir ferme contre cela. Quand je comprends comme ça, je connais mon ennemi, je me réfugie rapidement dans le nom du Seigneur. Deux fois qu'on se réfugie dans le nom de Jésus. Vous avez compris? Amen. Voilà. Dans ces Ézéchiel 36, vous avez noté. Je vous ai demandé de noter Ézéchiel 36. Sous les yeux du verset 24, verset 26, il Dieu donne la promesse de la nouvelle naissance là-bas. Il dit comment ça doit se produire. Ça, c'est plus de 700 ans avant que Jésus, notre Seigneur, ne vienne. Il donne la procédure, le processus. Il parle du nettoyage. Avec l'eau de la parole. Nettoyer. Et puis, il dit exactement quel est le problème de l'homme. Il dit son problème est le cœur. Que ce qui fait qu'on ne peut pas marcher avec lui, c'est le cœur. Parce que le cœur est le cœur de Pierre. Et il promet donc qu'il a quelque chose à faire. Du verset 24 au verset 26, au moins 5 fois, il parle de Dieu. Dieu prend l'engagement. Il dit, je ferai ceci. Je vous nettoyerai. Je vous nettoyerai d'une eau pure. Vous serez purifié. Puis il dit, j'ôterai de votre cœur, de votre corps, le cœur de pierre. Et je mettrai en vous le cœur de chair. Quand il donne ses promesses, puis il dit, je mettrai mes paroles en vous. Mon esprit en vous. Vous voyez, il parle de la circoncision du cœur. Et dans la nouvelle naissance. Et puis il dit dans ces conditions-là, il va faire maintenant pour qu'on puisse vous marcher d'après sa parole. Vous entendez cela? Donc, dans Deutéronome chapitre 29, si vous lisez Deutéronome chapitre 29, le verset 4, Moïse va leur donner une prophétie en leur expliquant quel est leur vrai problème. Deutéronome chapitre 29. Deutéronome chapitre 29, c'est ça qu'il dit. First word, Nogas et Jonah. Le verset 4. Aya 9. Vous y êtes? On a ton timide. Oui. Tu as vu mon frère? Lis un peu à haute voix. Tu peux lire? C'est petit, hein? Oui. Qui peut lire? 29 combien? Chapitre 29, verset 4. Mais jusqu'à ce jour, écoutez certainement, jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre les. Pour comprendre. Oui. Des yeux pour voir. Oui. Des yeux. Des oreilles pour entendre. Religion, quoi ça ferait? Écoutez très attentivement ce que Moïse dit. Mais jusqu'à ce jour. L'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre. Des yeux pour voir. Des oreilles pour entendre. Amen. Donc voici quelqu'un qui vient donner la loi aux gens. Si vous lisez le chapitre 28, du verset 1 jusqu'au dernier verset, il parle dans la première partie des bénédictions si on pratique la parole. Dans, la deuxième partie, il parle de la malédiction, des malédictions si on ne le fait pas. Puis au chapitre 29, il leur explique quelque chose. Il dit jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas encore donné le cœur pour comprendre. C'est terrible, pas vrai? Ni les oreilles pour entendre, ni les yeux pour voir. Mais il parle comme ça aux êtres humains comme vous et moi. Qui pouvait aller au champ. Donc ils avaient les yeux ouverts physiquement. Quand il parlait de bouche à oreille, il l'entendait. Donc ce n'est pas ce style d'oreille dont il parlait. Moïse voulait signifier qu'en réalité la loi est spirituelle. Il commençait à mettre les jalons pour Jésus. Que Dieu est esprit. Il faut qu'on l'adore en esprit. Parce que s'il fallait le regarder charnellement, tous avaient les yeux. Si vous allez l'écouter physiquement, tous avaient les oreilles. Donc, il ne savait pas de ses yeux, de ses oreilles et de ses cœurs. Vous voyez le problème de l'être humain, n'est-ce pas? Donc, Moïse le promet ici, il a dit clairement que jusqu'à ce jour, Dieu ne nous a pas donné. Ça veut dire que quand il lisait la Bible, il faisait les efforts, mais personne ne pouvait pratiquer. Parce que Dieu ne leur a pas donné. Donc pour que vous vivez la parole comme Dieu veut, il faut que lui-même il fait cette opération en vous. Et c'est pour cela qu'il va dire cela à Ézéchiel, qu'il fait la promesse qu'il va faire cela. Il dit qu'il va réaliser cette œuvre-là en nous. La conversion, ou mieux la circoncision du cœur. Il va mettre son esprit. Il dit alors à ce moment-là, on pourra maintenant vivre d'après sa parole. Donc en clair, sans l'esprit de Dieu, tout ce que vous faites là, vous faites pour vous, votre famille, votre voisin, donc pour la chair, ça ne concerne pas Dieu. Il faut qu'il y ait la conversion. Il faut qu'il y ait la conversion. Donc il faut que la circoncision du cœur. Mon grand frère l'apôtre Paul parle dans Philippiens de la circoncision qui ne vient pas d'un homme. Du cœur. Par l'esprit. Ils disent c'est nous donc qui rendons notre culte à Dieu par l'esprit. Il dit cette personne si c'est celui dont le juif donc qu'il en est de l'intérieur. Il dit que sa louange est agréable à Dieu. Donc la nouvelle naissance, c'est fait par le Saint-Esprit, opéré par l'Esprit de Dieu. Dieu enlève votre ancienne nature et renouvelle l'intérieur. Crée de nouveau un être intérieur. On dit donc, la Bible dit, vous êtes une nouvelle créature. Pas que votre peau change. Ceci, c'est vrai, ça va changer quand on va revêtir le domicile céleste. Mais pour le moment, c'est l'intérieur qui change. Vous étiez bandit. On vous met encore l'argent de côté de vous. Vous regardez l'argent. Vous n'avez pas le désir de voler. Vous étiez fumeur. Vous fumiez la cigarette. Quand on met la cigarette à côté, ce n'est pas que tu commences à dire que non, il ne faut pas que je fume. Si vous faites ça, vous êtes un fumeur. Parce que quelque chose désire ça dedans. Il faut que vous regardiez la cigarette. Ça soit comme si je suis en train de regarder le mur, ce qui n'est pas fait. Alors, ce qui réclame ça est quitté. On dit que votre cœur a été converti. Donc, quelque chose d'autre a été créé là-dedans. De quelqu'un qui était bandit, colérique, violent comme l'apôtre Paul. On peut le frapper sur la bouche, il dit que le Seigneur te bénisse. Quelqu'un qui était violent, prêt à bagarrer. Ça veut dire l'œuvre a commencé dedans. Maintenant, le vrai problème avec les gens, il dit les gens de cette époque-ci, c'est l'habitude religieuse. On est dans une famille catholique. On commence à nous amener. On connaît déjà les chants. Petit à petit, on s'habitue. Après, on émigre chez les évangéliques. On commence à lire les Écritures. On s'habitue à Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Maintenant, on émigre chez Full Gospel. On entre dans le groupe de chorale. On va dans la formation biblique. On a la connaissance, mais on bagarre avec le péché dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? On a seulement pris le canard habillé avec le nylon. On a seulement pris le canard habillé avec le nylon. Le départ, c'est le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'est pas là, vous allez faire l'effort d'être chrétien. Faire l'effort. des deux chrétiens, votre vraie nature va vous rattraper. Quand le Saint-Esprit est là, il enseigne. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et ces versets, tous les pentecôtistes connaissent. Quelqu'un cite ça même étant bandit toujours. Le pasteur cite ça même étant fausseur. Il cite ça étant cupide. C'est-à-dire qu'il le met tellement l'argent. Maintenant, il cherche plutôt le verset de l'argent. Il continue son style de vie. Dans l'argent avec la cupidité. Tout en citant ces versets de 2 Corinthiens 5:17. Il faut la conversion. Vous, le vrai problème, c'est que vous n'avez pas le pouvoir de vous convertir. Je n'ai pas le pouvoir de vous convertir. Aucun homme sur la terre n'a le pouvoir de vous convertir. Voilà le vrai problème. Dans Jean chapitre 1, verset 11, la Bible déclare qu'elle est venue chez les siens. Ça également, ce qu'ils ont cité, tout le monde connaît. Et les points ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, vous entendez tout le monde? Reçu. À ceux qui croient en son nom, dont la parole a un nom. Elle a donné, elle, la parole, a donné le pouvoir, le privilège de devenir enfant de Dieu. On ne s'arrête pas là. Parce que si vous demandez à un catholique enfant de Dieu, oui, nous sommes ses enfants. On continue. On dit lesquels sont nés dans les enfants. On dit ces enfants, s'ils sont nés. On définit la façon dont ils naissent pour devenir enfants. Lesquels sont nés? Nom de la chair. Vous entendez ça, frère? Donc, ce n'est pas une naissance naturelle qui fait de toi un enfant de Dieu. Nom du sang. Ni de la volonté de la chair. Ni de la volonté de l'homme. Ouais. Donc, je ne peux pas vous faire naître de nouveau. Donc, si quelqu'un dit qu'il est devenu enfant de Dieu parce que quelqu'un a prié pour lui, c'est un problème. Il a un problème. Vous comprenez cela? Donc, si quelqu'un dit. Lève-toi et va te faire, tu vas devenir enfant de Dieu maintenant. C'est que lui-même, c'est un sorcier. Parce que la Bible déclare que pour qu'il soit un enfant de Dieu, ça ne dépend pas d'un nom. Vous avez l'enfant. Hein? C'est moi qui ai fait que votre enfant vient. C'est vous-même, non? Qui avait produit votre enfant. Il doit sortir de vous. Vous comprenez? Je ne peux pas dire que lève-toi et tu donnes un enfant. Ça n'a pas de sens. On dit que les enfants de Dieu, fait verset de lesquels sont nés. Non du sang. Ni de la volonté de l'homme. C'est-à-dire, si tu es un père chrétien, apôtre, avec une femme qui a des visions, votre enfant n'est pas enfant de Dieu. Si tu n'accouches pas un enfant de Dieu. Parce que la nouvelle naissance consiste à la naissance spirituelle. Donc, le fait que tu nais dans une famille chrétienne ne fait pas que tu sois un enfant de Dieu. Donc, c'est bien, les enfants vont grandir dans la morale chrétienne. Dans l'apprentissage de la chrétienté, il va grandir. Après, vous allez faire tous les efforts pour le garder. Tôt ou tard, la nature qu'ils ont en elle vont le rattraper. Il suffit que votre enfant quitte votre présence. Et vous entendez le style de vie qu'il mène. Vous dites que pourquoi? Pourtant, j'étais sûr depuis l'enfance que tu dois marcher comme ça. C'est bien. Il est au courant de la façon dont on va vivre pour plaire à Dieu. Mais Dieu doit lui donner son esprit pour qu'il vive comme ça. C'est pour ça que Christ, la vie de Christ, la lumière doit venir vers nous. Il dit lesquels sont les noms du sang. Ni de la volonté de l'homme. Donc même si je voulais, je n'ai pas le pouvoir de vous faire naître de nouveau. Même si vous me voulez. Vous voyez donc que si c'est fini, c'est dire qu'il n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Et vous levez la main et dites que lève-toi maintenant, tu vas naître de nouveau. C'est que moi, je suis un sorcier. Pourtant, c'est ce que la Bible dit, mais nous faisons ça chaque fois. Vous voyez un païen en route, vous dites donne ta vie à Jésus. Vous pensez que vous lui faites du bien. Vous pensez que vous faites l'œuvre de Dieu. Mais en fait, vous êtes contre Dieu que vous prêchez. Il dit que les enfants de Dieu sont nés non du sang. Vous ne pouvez pas voir quelqu'un pour le forcer à devenir enfant de Dieu. Parce que Dieu n'a pas ordonné. Lesquels sont nés non dissants, ni de la volonté de l'homme. Puis on dit mais de Dieu. Donc en clair, lesquels sont nés de la volonté de Dieu. Donc il faut que Dieu veuille qu'ils naissent. Dans la nouvelle naissance, la personne qui a source de la décision de quand, du pourquoi et du comment, c'est Dieu. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Dans Jacques chapitre 1, verset 18, je vais arrêter, vous laissez reposer. Dans Jacques chapitre 1, verset 18, il dit qu'il nous a engendré. Il nous a engendré. Le mot grec là-bas c'est regenao. Il nous a fait régénérer. Donc il nous a fait naître de nouveau. Il dit pas la parole de vérité. Mais avant on dit selon sa volonté. Il nous a fait naître de nouveau selon sa volonté. Et on dit le comment. On ne dit pas la parole de vérité. Afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. On dit il est mis pour Dieu. Il nous a régénérés selon sa volonté. Vous voyez, par le moyen par lequel il le fait. Pas la parole de vérité, pas par la Bible, pas la parole de vérité. Donc si vous lisez la Bible du début jusqu'à la fin, jusqu'à ce que vous connaissez Genèse, Apocalypse, ça ne fait pas que vous naissez de nouveau. Sinon, tous les démons qui prêchent dans les assemblées deviennent nés de nouveau. Sinon, Satan lui-même qui a lu ça, il connaît tous les versets, il devient né de nouveau. Donc c'est pas la Bible. Même si vous mettez la Bible dans vous écoutez, ça ne vous fait pas naître de nouveau. Dans Romains chapitre 10, verset 17, la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le mot parole là-bas, ce n'est pas le même mot de parole qui est écrit dans Jean 1:1 que au commencement était la parole. Ce n'est pas la même chose. En français, vous lisez la même chose. Mais en grec, ce n'est pas la même chose qui est écrit. Parce que là-bas, c'est Réma. Qui est traduit en français par parole. Dans Jean 1. On dit, au commencement était la parole. Là-bas, c'est en français, c'est parole. Mais en grec, c'est logos. Ça veut dire que c'est pas la même chose. Dans le rhéma, c'est une autre dimension de la parole. Dans la foi vient de ce qu'on entend, le rhéma. Écoutez une fois de plus. La foi vient lorsque tu as entendu le rhéma. Je veux tout d'abord attention, il faut que je finisse cette portion parce que c'est important. Souvenez-vous de Deutéronome 29, verset 4 que nous avons lu. Mais maintenant, jusqu'à ces jours, l'Éternel ne vous a pas encore donné l'oreille pour entendre. Et on a convenu que ce n'est pas cette oreille-ci. Donc il va disposer votre oreille pour que vous entendiez quelque chose. Pas avec cette oreille-ci. La foi vient de ce qu'on entend. Vous voyez cela? Voilà, il faut qu'il y ait cette oreille là pour entendre cette chose là qu'on va dire. Le rêve. Pour que la foi entre maintenant dans le cœur. Vous voyez cela? Pour que la foi entre dans le cœur. Il a cité trois choses dans Deutéronome là. Il a cité trois choses. Il ne nous a pas donné le cœur. Il ne nous a pas donné l'oreille. Il ne nous a pas donné les yeux. Vous êtes là? Ok, donc la foi habite où? Dans le cœur. Mais pour que la foi vienne en toi, il faut que tu entendes. La foi vient de ce qu'on entend, donc sa naissance. Ça vient spontanément dans votre cœur. Subitement, vous croyez en Christ Jésus. Donc, il n'y a pas de mécanisme pour croire en foi. On ne dit pas que je marche comme ça pour un jour croire à la foi. Que la foi vienne. Non. La foi vient spontanément. Comme l'amour vient spontanément, l'amour. Vous comprenez cela? Spontanément. Donc ça naît en vous. Donc dès que vous écoutez la parole du Seigneur, il ne parle pas de la Bible ici. Parce que si c'est pour la Bible, vous lisez. Vous entendez les prédications. Mais il y a dans la prédication une parole qui vous est donnée, qui s'adresse à votre être. Ça déclenche quelque chose en vous. Ça veut dire que cette parole-là, c'est le réma pour vous. Et donc, ça ouvre cette partie de votre être où il veut habiter. Il vous donne donc de croire en lui. Par conséquent, ne voyez pas l'argent, vous dites que non, croyez en Jésus. Croyez en Jésus, vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Si vous lisez votre Bible correctement, voici le pourquoi il disait que vous ne pouvez pas aller témoigner sans le Saint-Esprit. Parce que vous allez avec le Saint-Esprit, il va vous envoyer là dans la zone où il y a des gens à prêcher. Quand on est dans la chair, quand on est charnel, on fait les campagnes d'évangélisation à tâtons. On colle les affiches partout. Grande campagne de guérison et de désaffection. Venez à l'église. Mais en toile de fond, derrière, on cherche le nombre maximum pour que l'offrande soit grande. Moi, je vous pose une question en tant que prédicateur. Avez-vous vu un apôtre ou même le Seigneur Jésus faire une campagne d'évangélisation dans la Bible? Je vous pose la question. Comment il faisait? Il a dit que je vous envoie maintenant devant. Il dit que allez au milieu des brebis perdues de la maison de Dieu. Comment il devait les retrouver? N'est-ce pas? Il les a envoyés deux à deux dans les villes où il devait lui-même aller. Il a demandé d'aller afficher une affiche là-bas que si vous êtes brebis du Seigneur, rentrez à la maison. Vous avez cette affiche dans la Bible? Vous pouvez voir l'apôtre Pierre aller dans une ville de la Samarie et dire on ne sait pas où les gens qui doivent être sauvés se trouvent. Écrivons ici, grande campagne, retrouvons-nous à la place. Si vous êtes brebis du Seigneur, vous voulez la guérison, venez nous trouver là-bas. Vous entendez des choses? Quand ils entrent dans une ville, comment ils font pour retrouver les brebis du Seigneur? Parce que l'ordre c'est, n'allez pas vers les païens. N'allez pas dans la ville des Samaritains. Allez vers les brebis égarées des enfants d'Israël. Mais si on dit entrez à Pitoua, voici votre ville, Pitoua. Allez chercher les brebis du Seigneur. Comment ils vont vous retrouver les brebis du Seigneur? Comment eux ils ont fait? Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que nous avons fait aujourd'hui? Ils avaient le Saint-Esprit. Nous avons octroyé le Saint-Esprit avec notre intellect, notre stratégie. Vous entendez quelqu'un faire son église maintenant? Il trace donc, il s'est réuni avec ses anciens. Il dit que voici notre objectif cette année, notre objectif. Gagner 2000 personnes à Christ. Il n'y a pas de plus grande sorcellerie dans l'église que celle-ci. Voilà. Vous les anciens, ça peut vous scandaliser, mais je vous dis, j'ai oublié de dire. Donc on sort, on peut gagner les âmes à Christ dehors. Écoutez très attentivement. Si vous lisez la Bible correctement, vous allez lire Actes chapitre 16. La Bible déclare que l'apôtre Paul avait été appelé pour annoncer la lumière aux nations. Dans Romains 1, verset 4, il dit qu'il a reçu la grâce et l'apostolat pour amener à la foi tous les païens. Dans Actes chapitre 16, ils vont traverser l'Asie. Ils vont arriver à Misie. Ils vont vouloir entrer en Éphèse pour annoncer la parole. Le Saint-Esprit va dire n'entre pas là-bas. Il n'y avait pas les êtres humains là-bas. Pourquoi le Saint-Esprit qui a dit allez partout et prêchez la bonne nouvelle refuse qu'ils entrent? Je vous pose la question. Pourquoi ils refusent qu'entrent? Pourtant, il y a les hommes là-bas, non? Ils arrivent encore dans notre ville, ils veulent y entrer. On dit l'Esprit de Jésus ne leur permet pas. Deux localités où Dieu a refusé d'aller annoncer l'évangile. Mais aujourd'hui, nous avons nos stratégies. Toi et toi, vous allez dans cette zone. Toi et toi, vous allez dans cette zone. Il faut qu'on balaye la zone avec nos stratégies sans le Saint-Esprit. Acte chapitre 13, verset 2 dit: pendant qu'il servait Dieu dans le ministère et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit: mettez-moi Saul et Barnabas à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Puis la Bible déclare qu'après qu'ils ont entendu la voix du Saint-Esprit, ils les ont mis à part. Ils ont prié et imposé les mains pour les recommander entre les mains du Seigneur. Ils les ont laissés partir. Quand ils sortent, le verset continue en disant, Saul et Barnabas, envoyés par le Saint-Esprit, descendit en Cilicie. Vous voyez ça? Ils marchent sous quel conduit? Aujourd'hui, il faut que le pasteur révérend des régionales donnent l'autorisation. Vous devez quitter ces principes humains et rejoindre le Saint-Esprit. Souvenez-vous de ce que j'ai dit à la première partie. Je n'ai pas dit ça de moi-même, j'ai cité l'Écriture. Il dit que celui qui est né de l'Esprit est comme le vent. Gardez bien cela. Il est comme le vent. On ne peut pas l'arrêter. Mais il y a même des pasteurs qui savent que celui qui nous a appelé, notre collaborateur, est un faux. Mais il dit que non, je suis sous l'homme de Dieu. Je suis qui pour m'opposer à son onction. Et je suis sous sa couverture. Il pêche, tu es avec lui. Et la Bible déclare que l'ancien Pierre dit ceci. Dans 1 Pierre chapitre 5 verset 1, il dit voici les exhortations que j'adresse aux anciens. Il ne parle pas aux chrétiens mais aux anciens. Il dit moi ancien comme eux, témoin de la souffrance de Christ et de la gloire qui sera révélée. Il dit percez le troupeau de Dieu qui est sous vos gardes, non pour un gain. Donc il ne faut pas que la motivation soit de l'argent. Que tu regardes le fidèle quand ils sont 100, tu dis non, chacun a pas 1000 francs. Parce que tu as calculé 1000 francs fois 100. Que ces motivations ne passent pas dans votre cœur. Non pas comme dominant sur eux. Donc tu n'as pas marché sur eux avec autorité, non. Souvenez-vous que la charge là, c'est une grâce que vous avez. Nous, les anciens, ça ne fait pas de nous au-dessus des autres, non. La seule personne qui est élevée, c'est le Seigneur Jésus. La Bible déclare que le corps de Christ est un, n'est-ce pas? Et dans 1 Corinthiens 12, que nous avons lu tout à l'heure, le corps de Christ est défini comme le corps humain. Vous allez remarquer que dans le corps humain, le seul lieu qui est élevé, c'est la tête. Tous les autres sont en dessous de la tête. On dit dans Colossiens chapitre 1 dans le verset 18 que Christ est la tête de l'église. Donc voilà Christ. Et tout le monde est en bas. Chacun joue son rôle. Mais pour que la main s'y s'élève, il faut que les nerfs lui communiquent la capacité de s'élever. Si les nerfs qui commandent la main sont coupés, la main ne fonctionne plus. Vous voyez cela? Donc Christ est la tête. Si tu es à la place de la main et que la main est considérée comme ancienne, tu n'es pas plus grand que le pied. Parce que pour que tu puisses prendre quelque chose, il faut que le pied t'accompagne. Mais que le pied bouge, c'est la tête qui le commande. Quand il arrive quelque part, il veut prendre ce qu'il veut prendre. C'est encore la tête qui le commande. Un seul et même esprit coule dans chaque membre, chacun selon sa fonction. Vous comprenez cela? De telle sorte que personne n'est plus grand que personne. Christ seul est grand. Maintenant, si la main disait que okay, il veut dépasser, il est la tête de l'église maintenant. Il lève la main, il dépasse la tête. Lève la main, ça dépasse la tête. Vous avez vu que ça dépasse la tête, non? Il n'a que quelques minutes pour rabaisser rapidement. Il n'a que quelques minutes pour rabaisser. Donc, ce n'est qu'une question de temps. Si vous pouvez lever la main comme ça indéfiniment. Quand il lève la main, il dépasse un peu la tête, non? Mais ce n'est qu'une question de. Le temps doit te dire que ce n'est pas ta place là-bas. Dis ça. Tout à l'heure dans la deuxième partie, troisième partie. Que Dieu vous bénisse. Amen. À tout à l'heure. Amen. Que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure. Prenez une pause. À tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure. Oui.